Dans les bons, les bons. Tendre Père, nous te sommes reconnaissants pour ta grâce que tu nous accordes encore aujourd'hui. Merci pour tes bontés dans nos vies, pour ta protection, pour ta bienveillance et pour les combats que tu as livrés pour nous encore aujourd'hui. Merci pour ta faveur. Merci Père de gloire pour la grâce que tu nous as accordée en ton bien-aimé afin que, ô Dieu, nous soyons dans la vérité. Père, donne-nous de t'aider, demeurer et de faire tout de notre possible, Père de gloire, pour ne pas sortir dans ce chemin que tu as tracé une fois pour toutes pour nous. Donne-nous d'être obéissants à cette voie et de rejeter ce qui doit être rejeté et avancer vers la sainteté. Donne-nous, Père de gloire, de regarder au but final. Seigneur Dieu de gloire, rédemption de notre corps. Père, nous te sommes reconnaissants pour cette réunion maintenant. Je prie, Père, que tu bénisses chacun, ô Dieu de gloire, sans exception en ces lieux, aujourd'hui. Que ton nom seul soit glorifié au nom du Seigneur Jésus-Christ. Amen. Amen. Que Dieu vous bénisse. Veuillez vous asseoir, veuillez vous asseoir. Que Dieu vous bénisse. Bonsoir. Bonsoir. Les 19h, on peut travailler. Vous permettez qu'on travaille? Et même si on ne finit pas aujourd'hui, on continue la séance samedi prochain. Je crois que le Seigneur nous a accordé un bon climat pour travailler. Que le Seigneur vous bénisse, que le Seigneur vous bénisse, que le Seigneur vous bénisse, que le Seigneur vous bénisse, que le Seigneur vous bénisse. Donc vous êtes prêts pour le jeûne de demain, n'est-ce pas? À partir de demain. Ça veut dire que lorsque vous levez demain, ça veut dire que lorsque nous nous levons demain, et bien dit maintenant cette fois-ci, n'est-ce pas? Ça veut dire que lorsque nous nous levons demain, nous mangeons jusqu'à dimanche matin. Ça, n'est-ce pas, Vatani? Quand il dit nous, là, tu es inclus, non? Ah, ben voilà. Donc, ça veut dire que lorsqu'on se lève le matin de demain jeudi, c'est jeudi 22 septembre, là. Lorsque nous revenons demain, nous consommons à partir de dimanche matin. Si vous voyez, vous sentez libre de continuer à partir de dimanche, vous sentez que vous n'avez pas faim, continuez le jeûne, ce serait bon pour vous aussi. D'accord, frère. J'entends de toutes les couleurs lorsqu'il s'agit des jeûnes. Beaucoup de questions. Si le Seigneur dit maintenant que je vous bénis de demain jusqu'à 4 ans, vous avez seulement dit que c'est seulement 4 ans que ça continue. Mais quand c'est le jeûne, on fait dans les équations qu'on arrête quand? Qu'on arrête quand? Parce que l'autre là, ça traite notre corps, n'est-ce pas? Prions pour le Cameroun. Souvenez-vous, prions pour le Cameroun. Vous vous souvenez, une fois, ici, j'ai parlé d'un lieu comme l'intérieur, comme de Rochaux, les gens sont recrutés là-bas. Vous vous souvenez, n'est-ce pas? Et j'ai dit, des personnes s'y trouvent, et se trouvent même au sein du gouvernement, qui ont des téléphones dont on utilise et ont des tops. Vous vous souvenez ce qu'il avait dit, n'est-ce pas? Et avant l'inauguration du pont sur le Voreux, j'avais parlé ici que j'ai vu dans une zone de brousse, ça c'est dans le Cameroun, j'ai remarqué qu'un militaire va vers un militaire. Ce qui était étonnant dans ces choses, c'est qu'un militaire, j'ai remarqué qu'ils avaient peut-être porté les mêmes tenues. Vous vous souvenez, n'est-ce pas, frère? Vous vous souvenez de ça? Qui se souvient de ça? Voilà. Il dit, j'ai vu que celui-ci s'est approché. Normalement, ils travaillent, ils sont dans le même camp. Mais pourquoi ce fait qu'il peut se lever contre son frère? Vous vous souvenez, n'est-ce pas? Et il dit que c'est dans la zone où il y a la verdure. Ça, c'est la forêt, n'est-ce pas? Maintenant, j'ai vu une attaque. L'attaque des camps de position militaire. J'ai vu une attaque à la position militaire. Une fois, puis deuxième fois. Il y a une fois, c'est comme si, voici un camp militaire où les gens sont des gardes. Suivez très attentivement. Où les gens sont des gardes. Des personnes ont fait des plans, sont venus attaquer. Et comme ça ne suffit pas, ils sont encore venus attaquer. Mais j'ai remarqué que leur coup n'a pas réussi comme ils voulaient. C'est ce que j'ai remarqué là-dedans. Parce que je me suis tenu là, j'ai vu comment. Mais ce qui est curieux, c'est que je ne sais pas quelles genre de choses ils ont utilisées pour essayer d'attaquer. Mais ils ont quand même fait des petits dégâts. Mais deux ou trois ont été arrêtés. J'ai vu deux personnes arrêtées et ils parlaient en anglais. Et comme il parlait en anglais, j'ai remarqué comment les militaires qui les avaient arrêtés voulaient leur faire du mal. Il leur a dit en anglais que « You better leave him now onto the hand of the justice. » Parce que vous savez, les militaires, quand vous arrivez, vous voulez faire ces choses, ils vous traitent d'abord. Ils tentent de discuter là. Non. Que lorsque vous arrêtez, la loi dit que quand vous arrêtez quelqu'un, remettez entre mains de la justice. Donc, remettez-le entre mains, ne faites pas cela. Donc, prions pour le Cameroun, les zones où il y a la verdure. Et à un moment donné, je vous avais parlé des frontières, la zone est du pays, qu'il faut prier pour quelqu'un d'être à la frontière et que, laissant passer les camions, et dans ces camions, une fois, deux fois, et puis il y a des choses dedans. Vous vous souvenez, n'est-ce pas? Amen. Ces choses-là, gardez-vous à l'esprit, tout simplement. Parce que le moment de nous, on n'en parlera plus par rapport à cela. Donc, l'attaque dans le camp militaire, une position, je ne sais pas si le camp, mais j'ai vu qu'il y avait des postes de garde. Parce que comme ça, on a détruit même le poste là, au point où, je crois que des injuries, il y a des faut qu'on prie pour le pays. Ça, c'est un. De deux, j'ai vu une femme, c'est une sorcière, c'est un serpent. Cette femme-ci, c'est un serpent. Je ne sais pas qui c'est, mais je l'ai vue. Elle a un centre où il y a les enfants. Je ne sais pas si c'est des enfants abandonnés, je ne sais pas si c'est le. Vous appelez orphelinat. Mais là-bas, elle fait plutôt l'initiation de ces enfants-là. Mais elle seule au serpent. Parce qu'il est vu se transformer. Donc, une femme à qui on remet les enfants. Ce sont les enfants, mais c'est les incantations qu'elle fait là-bas. Vous me suivez, soeur, frère? Donc, ça, c'est une femme qui fait les incantations. Mais les enfants sont sous sa garde. C'est quelqu'un qui a le. Et même les gens avec qui elle travaille sont dans le même cercle. Mais ce cercle est en relation avec l'Italie. Donc les gens qui donnent le fonds là-bas sortent d'Italie. Mais eux, ils savent de quoi il est question là-bas. Mais si on les montre à la télévision, on va dire que ça, ce sont des gens, des œuvres caritatives. Vous voyez? Mais les âmes, c'est le trafic des âmes. Le trafic des âmes, des innocents, comme ceci. Prions pour le Cameroun, parce que c'est ce qui est arrivé. C'est un pays paradoxal ici, et c'est une année paradoxale qui est devant nous. Il faut que donc Dieu envoie quelqu'un, pas vrai? Il faut que Dieu envoie quelqu'un avec le bâton. Donc quelqu'un viendra avec le bâton en 2018. Souvenez-vous. Quelqu'un viendra en 2018 avec le bâton. Alléluia pour le Cameroun. Amen. Quand cette personne se poindra son nez, le décret sera irrévocable. Quand cette personne se poindra son nez de la part du Seigneur, vous dites, qu'est-ce qui... Oh, celui-ci, il dérange. Ah ben là, c'est quand il faut qu'il envoie quelqu'un dire le même décret. Le décret arrive. Pas un décret présidentiel, un décret céleste. Parce que ce qui doit être fait ici, c'est la repentance nationale. Donc, il faut qu'il y ait une repentance devant nous. Mais la porte est ouverte pour le pays. Vous vous souvenez, j'avais parlé ici que le lion est en train de marcher de l'est à balai comme ça. Vous savez, et puis le Seigneur dit, vous savez, vous avez entendu ces paroles, c'est ça qui est merveilleux. Vous avez entendu, et Dieu se souvient de Sarah. Amen. Vous avez entendu, et Dieu se souvient de Anne. L'Éternel se souvient de Anne. On peut donc dire, l'Éternel se souvient du Cameroun. Vous voyez? L'Éternel se souvient du Cameroun. Mais au milieu de brouhaha, il parle par ses jugements. Mais le décret, un décret. Et le Cameroun pourra-t-il entendre cela? Donc, il faut qu'il vienne. Donc, 2018. Et puis, alléluia pour le Cameroun. Maintenant, souvenez-vous, en tant que chrétien, quel qu'en soit ce qu'il arrive, n'aie pas peur. En tant que chrétien, quel qu'en soit ce qui arrive, n'ayez pas peur. Quel qu'en soit ce qui arrive, n'ayez pas peur. 2018 Cameroun, mais n'ayez pas peur. Il parle du décret. Souvenez-vous, je ne parle pas de la politique. Il parle du décret. Ça, ce n'est pas le décret présidentiel, c'est un décret du haut. Pour ce qui concerne la politique, j'en ai parlé de plusieurs façons. Vous avez moi, que Dieu, notre Père, vous bénisse. Et une fois ici, je vous avais parlé de prier pour les âmes des premiers ministres, c'est ça? Et une fois ici, j'ai dit, Dieu a balayé les. Donc c'est worldwide. Donc c'est. Il est en train de nettoyer. Parce que le problème, ce n'est pas ici. Le problème, ce n'est pas ces êtres. Le problème, c'est se trouve en haut. Le problème se trouve en haut. Vous voyez, Dieu envoie quelqu'un sur la terre. Il dit, ok, toi qui se tiens sur tel pays, va frapper ton épée. Il frappe, bam, dans l'eau, ça fait. Les scientifiques disent. Ils disent. Inondation. Il dit, prends ton épée, boum, il pointe, boum, la puissance va dans l'eau, ça s'écoule. On dit qu'il y a un séisme là. Maintenant, il y a un enseignement dans lequel j'avais parlé, je crois que l'enseignement là, je ne sais pas à quelle année nous en avons parlé, notre royaume en nous. Notre royaume, le titre de l'enseignement, c'est notre royaume en nous. Je parlais de ceux qui sont aux États-Unis. Il dit que si vous avez des gens qui sont aux États-Unis, demandez-leur qu'ils n'ont que deux possibilités. Soit ils quittent les États-Unis, comme ils sont proches du Canada, qu'ils vont au Canada. Ou bien ils vivent en tant que vrais chrétiens. Ça veut dire que pas que chrétiens, un genre chrétien, chrétien. Pleine. Voilà. Donc, principalement ceux qui sont dans les zones de Los Angeles et de la Californie. Les prémices sont là pour attendre seulement. Le vrai problème, c'est que quand la voix parle, les gens disent, ah, il dérange. Quand ça va faire vous, il n'y aura plus de place parce que même les avions ne pourront pas voyager parce que les nuits tomberont, les tours que vous voyez dans les films qui sont... Ça va secouer. Parce que ça, c'est écrit dans la Bible. C'est ce qu'il dit là. C'est écrit dans cette Bible-ci. Ça, c'est autre chose. Mais ce qu'il dit, c'est une autre chose. C'est ce qu'il dit par rapport à les tours là. C'est écrit ici dans votre Bible par rapport à ce pays-là. Donc ça va faire boum. Et que vous allez savoir que vous avez les vôtres en Amérique, vous allez commencer à chercher à savoir. Et je vous ai dit dans un autre enseignement, c'est que ça va arriver au niveau où l'Amérique que vous voyez là auront des assistances. Des assistants, des étrangers vont venir les assister. Vous savez, quand les choses arrivent ici dans les camps étrangers, vous dites qu'on a fait de l'aide. L'Amérique aura besoin de l'aide. Vous allez dire, c'est l'Amérique ici. Vous en avez noté, n'est-ce pas? On va aussi prier pour la Côte d'Ivoire aussi, naturellement, pour quelqu'un qui est un ancien président là-bas, par rapport à sa santé, quelqu'un qui a un style de bâton où il y a c'est la fumée qui sort là-dessus, je ne sais pas ce que c'est. Donc, il tient un bâton qui a la fumée pour sa santé, l'intérieur, ton son intérieur. Vous comprenez ce qu'il dit, n'est-ce pas? Mais le décret de 2018, Cameroun, alléluia, un pied. Et celui qui se tient sur ce pays, il va descendre. Quand il va descendre, qu'est-ce qu'il va faire? C'est le décret. C'est le décret. Quand il descend, qu'est-ce qu'il fait? Donc, que Dieu vous bénisse. Que Dieu vous bénisse. Prenez ces choses à cœur. Restez dans la prière. Mais quel qu'en soit ce qui arrive, souvenez-vous, en tant que chrétien, quelle qu'en soit la zone où vous vous trouvez, le Seigneur nous a dit que lorsque ces choses vont commencer à arriver, qu'on se garde d'être troublé par quoi que ce soit comme événement qu'on puisse qualifier sur la terre de néfaste, n'est-ce pas? Qu'on Si vous voyez que quelque chose va arriver, boum, votre cœur tremble, vous n'êtes pas en paix, parce que vous n'êtes pas en règle avec le Seigneur. Parce que si vous êtes vraiment en règle, vous souhaiterez seulement que ces choses qu'on en finisse avec que vous quittez ici. Mais ça ne se passe pas comme ça, ça ne se quitte pas comme ça, parce qu'il faut que chacun soit conforme. D'accord? Il y a des gens qui croient, disent que Seigneur, comme ils croient, ça tue-moi une fois. Dieu n'est pas un tueur. C'est un père, n'est-ce pas? Il veut nous faire grandir à sa ressemblance. Bon, que Dieu vous bénisse, que Dieu vous bénisse. Souvenez-vous, Cameroun, alléluia, 2018, décret, quelque chose, c'est bien. Souvenez-vous, je ne parle pas de la politique. Pour la politique, j'en ai déjà parlé. Là, en haut, ça se discute. Et un de ceux, je savais dire qu'il faut que Dieu nous donne un bon antichrist quand même. C'est quand même les antichrist. Que Dieu nous donne un bon antichrist. Cet enfant en train de dormir, suivez là, il faut... Non, mais je pose là qu'elle puisse dormir. Ah, c'est le Cameroun de demain. Le fait des lances de la nation. Les routes qui sont gâtées vont venir construire. Bon, je suis à votre service. Si vous voulez très bien, on regarde un sujet ce soir. Si vous le voulez bien. Si c'est long, si vous avez moyen, vous êtes d'accord, j'avance. Si vous n'êtes pas d'accord, on fait les divers. On peut avancer. Je vous ai raconté l'histoire de quelque chose que j'ai vu à Jérusalem. Une réunion où toute l'attention était là-bas, c'est ça? Okay. Bon, ça va alors. Ok, maintenant on peut commencer, n'est-ce pas? Je vais vous raconter une histoire et pour vous me dites ce que vous en dites. Il y a des gens, il y a des années, et ça se passe sur les chaînes étrangères, vous voyez, très tôt le matin, on fait des publicités. On fait des publicités des choses électroménagères, des appareils électroménagers. Ce n'est pas un musulman, regardez, c'est le frère Jean-Pierre. Il n'avait pas son gandoura blanc comme ça. Regardez, le cabane à Kodi. Donc, il y a les chaînes étrangères, ou même nos chaînes. Vous avez entendu parler d'une fois ici de la méthode 3Z sur H. Mm-hmm. Les vibromasseurs. On trompe pour nos femmes que, pour mettre ça sur toi, ça débouche comme ça, comme si le bicoussi que tu as donné. Comme c'était le bicoussi que tu as fait. Vous-même, tu as un gros ventre. On te donne un ceinture que, mais pendant que tu as fait le ménage, ça débouche comme ça, ça débouche comme ça. Bon, quand ça va faire maigrir la zone là, les autres zones seront comment? On va vous mettre là-bas. Donc tu vas mettre sur ton visage. Ça fait vibrer ton visage comme ça. D'autres proposent, soyez sérieux, d'accord, que les téléphones ne sont pas au contraire. D'autres proposent d'autres médicaments. On dit la méthode 3ZCH. D'autres, en fait, quand chacun veut présenter, ils vont te dire que pour eux, c'est meilleur. C'est quoi, ma soeur? Demain, c'est le 21. Demain, c'est le 21. Donc, je dis, ça fait 3 jours, non? Il faut que samedi finisse tout jusqu'à ce que dimanche matin arrive. Tu veux bien manger dimanche, samedi soir. Hein? Restez en prière seulement. Donc, d'autres proposent certains médicaments. Il y a d'autres qui sont venus avec des breuvages. Il faut boire. On fait des commerces, on fait des prospections. Que des gens boivent. On boit, on dit que ça brûle les graisses. N'est-ce pas, frère? Que ça, c'est un brûleur des graisses. Sans. D'autres encore proposent des activités sportives. Que manger et boire, quoi, les 5 légumes et fruits par jour. Manger et boire, je ne veux pas rester sur place. Maintenant, celui qui n'a pas de pied va faire comment pour faire le sport? C'est un autre problème. Alors, ça veut dire que chaque personne propose sa méthode pour pouvoir résoudre un problème. N'est-ce pas? Vous avez moi? Oui, c'est que vous en demandez où est-ce que nous nous amener. Allons-nous toujours là-dessus. Mais tout ce que j'en ai demandé, regarde, expliquez comme publicité, vous les savez, n'est-ce pas? Amen. C'est-à-dire que quand vous voyez une femme en roue qui est grasse, vous êtes dans cette entreprise, vous dites que je peux faire quelque chose, il y a quelque chose, et tu fais tout pour que tu présentes que ta part, c'est meilleur. N'est-ce pas? Amen. Que, ok, je peux te faire, et d'autres disent que, ok, mon produit, tu prends, tu n'as pas besoin de faire le sport. Comme les gens sont faibles avec le sport, ils disent que moi, je fais ce produit parce que sortir chaque matin, il faut faire 2 fois par semaine au moins. Non, c'est fastidieux. Donc, on cherche la solution facile. L'être humain, naturellement, c'est comme ça. On veut chercher les solutions faciles. Quand les gens ont des problèmes, ils souhaiteraient que quand ils te parlent comme ça, tu dis que c'est que Dieu dit. Mais quand il va ouvrir sa Bible, il va lire Hébreux chapitre 16, chapitre 4, verset 16, qu'approchons-nous. Là, on a dit nous. C'est-à-dire que la personne qui écrit et la personne qui lit sont ensemble. On doit s'approcher du trône des grâces pour être secouru dans nos besoins. Vous voyez, n'est-ce pas? Lisons un verset, puis avant qu'on va continuer, allons lire le livre de Somme. Somme. Vous voyez le Somme 120. Il veut juste lire cela et déposer, continuer mon histoire. Bébé, rentre là-bas. Allez, c'est ça, pour qu'elle puisse dormir, c'est ma princesse ici. Rentre derrière, tu te couches bien, d'accord? Tu as quand même chanté jusqu'au bout, je vais te suivre. Même dans le sommet, tu vas le suivre, non? Vous êtes dans Somme 120. Patani, lis le verset 1 seulement. Dans ma détresse, c'est au pasteur qui serait parti. Non, laisse. Dans ma détresse, je suis allé voir le pasteur. Ça, c'est ce qui est écrit dans ta version, n'est-ce pas, maman Taïn? Dans ma détresse, je suis allé voir le pasteur. C'est pas ça. Hein? Quand j'écris, il crie avec qui? Dans ma détresse, c'est au pasteur que je me suis adressé. Que j'écris, le pasteur m'exauce. Tu as ça dans ta version, frère? C'est quelle version que tu as? C'est zéro version, maman. Hein? C'est vous dites là, c'est zéro version, n'est pas des versions. Donc tu es devenu sage aujourd'hui. Il est devenu sage aujourd'hui. La dernière fois, il a cherché les versions ici là. Il dit que mince. Comment la collecte en faveur du pasteur? Il dit l'autre version, que c'est pour ça qu'il a acheté beaucoup de versions. Donc la Bible déclare ici, le psalmiste dit, dans sa détresse, il a crié à qui? À l'Éternel. À l'Éternel. Nous, aujourd'hui, quand on a la détresse, on crie à qui? Moi, j'ai crié à l'Éternel. Il dit nous aujourd'hui. Est-ce qu'il t'a accusé, frère? Alors, ça veut dire que chacun se confie pas. En fait, l'être humain cherche ce qu'il va faire rapidement que la solution puisse avoir lieu. Parce que chacun voudrait que son problème quitte. On va revenir sur ce passage et c'est l'implication par rapport à notre marche spirituelle. On va y revenir, d'accord? Donc, continuons avec le vibro masseur et la soif de se dégraisser. Maintenant, les méthodes pour pouvoir se dégraisser et diminuer du poids. Vous allez voir que certaines personnes Elle dit qu'elle a mangé n'importe quoi, mangé le macabou, mélangé avec la patate, mélangé avec la pizza. Elle ne grossit pas. L'autre, si elle regarde seulement la nourriture comme ça, elle grossit. Elle sent seulement, elle grossit. Donc pendant que d'autres cherchent à maigrir, d'autres cherchent à prendre du poids. Restons sur ceux qui ont du poids. Surtout ceux qui ont le ventre, les graisses, qui cherchent à diminuer. Maintenant, parmi les solutions proposées, la meilleure solution serait d'abord d'analyser la cause de ce qui a amené cela. Pas vrai? Si vous ne diagnostiquez pas, vous êtes à même de faire le même problème chaque fois, malgré que vous ayez résolu le problème. Alors, ça veut dire en clair, ça veut dire qu'il faut regarder la source du problème. Qu'est-ce qui a amené le grossissement? Parce que tu prends ta photo comme ça là, 2000. Ah, vraiment, Madame So, regarde-moi ici et vois-moi. Vous voyez, n'est-ce pas? Que regarde, vois-moi. On dit, c'est toi qui es sur la photo. Il dit, c'est moi. Il dit que les bonnes choses ne durent jamais longtemps. Hein. Quand j'étais moi-même, quand je m'habillais, ce n'est pas moi qui suis fini aujourd'hui. Vous dites souvent ça, non, mes soeurs? Alors, il y a un problème. Donc, quelque chose a amené à ce grossissement du corps et du ventre. Quel est le problème? Le problème, c'est que le système de l'organisme, c'est... Il parle sur la direction, sur le regard et sur l'œil gendarme du papa taille. Lorsqu'on mange, l'organisme stocke le sucre dans les parois intestinales. Ça commence à produire des graisses au fur et à mesure. Quand les sucres sont de les stocker au fur et à mesure, ce n'est pas consommé. Ça commence à poser la chair. Tu commences à avoir la chair là-bas comme la viande du porc. Au fil des temps, quand le sucre a déjà touché ton cerveau, à un moment donné, tu aimeras toujours les choses sucrées, toujours les choses sucrées. C'est difficile pour vous de vous en séparer. Parce que c'est comme si votre cœur en a beaucoup plus besoin. D'accord? Écoutez, toi, attention, on va aller dans la parole. Parce qu'on va aller dans la parole tout à l'heure. Et ça va être long, certainement. Lorsque vous consommez du sucre, ça dépose là-bas. C'est ici, là, c'est donc ici que ça reste. Dans votre zone du ventre que ça reste. Le dépôt est là-bas. Ça veut dire qu'il y a normalement l'échange. Le sucre entre dans le corps, normalement, comme réserve. Comme réserve au cas où le corps en venant à manquer, ça lui donne de l'énergie. Au fur et à mesure, tu ne fais que manger. Trois repas par jour, le matin, tu manges le lait sucré. Tu prends 4 morceaux de sucre. Après, tu bois du jus, tu mets là-dessus. Ça ne va pas, tu manges encore le beignet soufflé. Vous voyez ce qu'il en est, n'est-ce pas? Ça ne fait que stocker. Le corps ne rejette pas. C'est vrai que si tu bois 3 heures sur H, tu mets le vibromoteur. Quand la quantité de sucre vont même se dissoudre, tu vois, tu prends la même chose, n'est-ce pas? Ça dit, cette habitude-là, il faut changer. Pas vrai? Ouais. Maintenant, comment ce sucre est entré? C'est-à-dire qu'au fur et à mesure que tu as consommé, le premier dépôt a eu là, deuxième dépôt, troisième dépôt, quatrième dépôt, alors finalement, on a vu s'extérioriser les choses que tu consommais dans l'élément que tu mettais dans ton corps. N'est-ce pas, frère? Ça veut dire que la façon dont tu résous le problème, c'est la façon inverse de ce que tu fais. C'est la façon inverse. Je ne suis pas en train de donner le cours de nutrition. Ça, c'est le frère Iba qui peut faire cela. Donc, ce que je suis en train de dire, c'est qu'il faut faire la chose inverse. La chose inverse voudrait, par exemple, que tu commences à diminuer, par exemple, le sucre. Et la plus grande façon de nettoyer, jusqu'à ce que le ventre soit plat, ça ne serait pas d'aller faire le sport, ce n'est pas cela. Ce n'est pas seulement cela. C'est de s'abstenir de ces choses-là pendant des moments. Le temps que le sucre puisse ressortir. Quand le corps n'en aura plus, elle va cependant commencer à sortir. Donc, ça veut dire que c'est par le jeûne que ça se passe. Si vous passez une semaine, deux semaines, en mangeant seulement à 15 heures, un seul repas, vous levez le matin, vous buvez seulement de l'eau, au fur et à mesure, ça va diminuer. Vous allez voir que votre corps va devenir faible. Parce que le sucre n'entrant plus, le corps sera obligé d'utiliser le stock qui était là-bas. Et ça va s'échanger. Voilà la solution. Sans dépenser de l'argent. Vous voyez, n'est-ce pas? Mais c'est ici le problème maintenant, c'est qu'il y a une privation. Donc, je me lève le matin, je bois seulement peut-être 1,5 litre d'eau. Je reste jusqu'à 15 heures, je mange un peu seulement. Comme ça, deux semaines, vous êtes net. Après, maintenant, vous commencez à dire, ok, je traite durement mon corps. Allons maintenant dans la parole, voir ce qu'il en est au juste. D'accord? Dans la parole, chaque fois, lorsque nous voulons résoudre un problème, nous voudrons qu'on prie pour nous. Ça, c'est le vibromoteur. On te propose une autre méthode, 3 heures sur H, que tu achètes l'huile. Vous comprenez ce que ça veut dire? Je vais l'appliquer maintenant sur le plan spirituel. Que venez ici, là, il y a de l'huile d'onction. Il y a l'huile d'onction spéciale pour la maladie. Cette huile d'onction, c'est pour la maladie. C'est quand tu as maladie que tu utilises celle-ci. L'autre ici, c'est pour si tu as les dossiers. Ça se dit seulement sur le dossier. Ça, c'est mettre 3 ans sur H spirituel, ça. Vous comprenez cela, n'est-ce pas? Pour ceux qui ont besoin de breakthrough, mariage, ceci, voyage, ça c'est lui spécial voyage. Donc ça veut dire quand tu as besoin de voyage, c'est ce style de vie que tu utilises. Donc c'est ce genre de méthode-ci qu'on utilise sur le plan spirituel pour essayer de tenter de résoudre des problèmes qui sont profonds sans regarder quelle était la cause ni comment en sortir. On peut avancer? On peut avancer, mes frères? Ok. Quel est donc le problème? Dans ce psaume 120 que nous avons lu, et on va y revenir dans. En profondeur, dans un autre enseignement, il dit que dans sa détresse, il a crié à l'Éternel. Et quand il crie à l'Éternel, l'Éternel l'exauce. Ça veut dire qu'il est en relation avec l'Éternel. Notez Marc chapitre 4, on va commencer par là-bas. Que Dieu vous bénisse. Donc ce soir, je vais parler du sujet « Laissez-vous gouverner par la parole. » Laissez-nous, laissez-vous. Laissons-nous gouverner par la parole. Si on ne se finit pas aujourd'hui, parce qu'il faut qu'on en finisse, il faut qu'on parle profondément, d'accord? Pour que vous voyez ces principes-ci. Donc, en réalité, on prend du temps pour accumuler, comme je parlais dans cet exemple-là, on prend du temps pour accumuler les choses qui vont nous causer des graisses. Mais remarquez que... Remarquez que vous avez un corps comme le frère David. Subitement, 3 ou 4 mois, vous avez ou pris du poids. Mais il n'a pas pris du poids en un seul moment. Vous avez remarqué, n'est-ce pas? Il n'est pas pris du poids en un seul moment. Ça veut dire que c'est l'accumulation petit à petit de ces choses-là qui fait finalement qu'il gonfle, n'est-ce pas? Maintenant, le problème maintenant, c'est que, ayant accumulé ça avec du temps, l'être humain veut quelque chose qui va enlever là. Ça veut dire que, on a des problèmes. On a accumulé des problèmes au fil du temps. On souhaiterait qu'on parle le pasteur met la main, ça, bam, les persécutions s'arrêtent. Que persécution sort de ce corps. Esprit de blocage de voyage sort de ce corps. Blocage de mariage sort de ce corps. Mais il y a des choses qui sont passées. Je vais regarder dans le sens maintenant exactement comment on va regarder dans ce cas-là, ce qui a amené à l'explosion du corps. Comment le sucre, on a mangé le sucre chaque fois avec appétit. Et ces choses qu'on mange avec appétit, ça entre et demeure en nous. C'est au fil de l'accumulation qu'on voit ses effets. Pas vrai? Ah, vous avez moi. Amen. Il dit que c'est quand il y a le résultat que tu vois que tu as le gros ventre, que ton corps est gros, que tu vois maintenant que, hey, il faut plus qu'il mange des choses grasses. Or, la scripture nous voulait attirer votre attention, c'est que ce n'est pas une seule chose grasse que vous avez mangé. Vous avez mangé une fois, puis deux fois, puis trois fois. Enfin, vous êtes tombé amoureuse là-dessus. Pas vrai? Amen. Et puis vous êtes devenu ami. Et là maintenant, au fur et à mesure, vous pouvez vous en séparer. Qu'est-ce qu'on devrait faire donc? On doit se laisser gouverner par la parole pour que cet effet, c'est la façon que ces choses se font dans notre corps. Cette chose, cette graisse, c'est ce qui se fait dans notre corps, que notre parole, notre corps soit notre corps. Ce qu'on appelle l'homme intérieur soit gouverné par la parole. Quand notre homme intérieur est gouverné par la parole, on va voir ses effets à l'extérieur. C'est pas ce que c'est. On va voir ses effets à l'extérieur. Marc, chapitre 4. Marc, le chapitre 4, que Dieu vous bénisse, que Dieu vous bénisse, que Dieu vous bénisse. On y va. Maintenant, écoutez très attentivement. Vous connaissez ce qui est écrit là-bas par rapport à... On va y aller, mais j'aurais souhaité vraiment... Je vous demande toujours s'il y a le temps où il y a le... Ça s'appelle les fériés. Pourquoi c'est déjà des choses qu'on observe à ce moment-là? Pourquoi on observe dans... Parce qu'il faut qu'on entre bien dans les Écritures pour cela. Verset 1 est suivant. Jésus s'est mis de nouveau à enseigner au bord de la mer. Une grande foule s'étant assemblée auprès de lui, il monta et s'assit dans une barque sur la mer. Toute la foule était à terre sur le rivage. Il leur enseigna beaucoup de choses en parabole et il leur dit dans son enseignement. Écoutez, un semeur sortit pour semer. Comme il semait, une partie de la semence tomba le long du chemin. Les oiseaux vinrent et la mangèrent. Une autre partie tomba dans un endroit pierreux où elle n'avait pas beaucoup de terre. Elle leva aussitôt parce qu'elle ne trouvait pas un sol profond. Mais quand le soleil parut, elle fut brûlée et sécha, faute de racines. Verset 7. Une autre partie tomba parmi les épines. Les épines montèrent et l'étouffèrent. et elle ne donna point de fruits. Une autre partie tomba dans la bonne terre. Elle donna du fruit qui montait et croissait. Et elle rapporta 30, 60 et 100 pour un. Je vais encore relire le verset 8 pour que vous saisissiez. Écoutez très attentivement. Une autre partie tomba dans la bonne terre. Elle donna du fruit. La semence tombe où? Pour produire quoi? Voilà. Vous voyez l'extérieur, n'est-ce pas? Ce qui est le fruit, c'est ce qui est observable lorsque la semence est entrée dans la terre, dans la bonne terre. Et on observe son effet lorsque ça produit du fruit. Vous avez moi? Voilà, regardez encore le verset 8. Une autre partie tomba dans la bonne terre. Elle donna du fruit qui montait et croissait. Remarquez très attentivement que ce fruit-là ne diminue pas. Elle montait et croissait. À cause de quoi? De la bonne terre. Et 100 pour 1. Ça veut dire qu'une seule semence qui est tombée produit 100 autres. C'est la multiplication, ça. N'est-ce pas? Maintenant, puis il dit que celui qui a des oreilles pour entendre, entend. Maintenant, écoutez très attentivement maintenant. La compréhension de toute autre parabole de la Bible est liée à ces paraboles-ci. Toutes les paraboles que vous pouvez avoir dans la Bible. Tout autre langage de parabole dans la Bible est lié à ces paraboles que nous venons de suivre là maintenant. Tout. S'il y a n'importe quelle parabole qui est compliquée dans la Bible, cette parabole-ci est le centre de toutes les autres paraboles. Vous savez ça, n'est-ce pas, frère? Regardez. Verset 11. Non, je crois que j'ai sauté. Verset 9. Puis il dit que celui qui a des oreilles pour entendre, entende. Mais regardez. Lorsqu'il fut en particulier, ceux qui l'entouraient avec les 12 l'interrogeaient sur les paraboles. Il leur dit, c'est à vous qu'a été donné le mystère du royaume de Dieu. Mais pour ceux qui sont dehors, tout se passe en paraboles. Donc Dieu, dans sa souveraineté, a décidé d'utiliser un langage pour que ceux qui sont ne sont pas de lui ne puissent pas comprendre ce qu'il a de les dire. Malgré qu'il emploie les mots, utilise les données qu'ils puissent connaître, utilise les choses qu'ils peuvent avoir accès à ça scientifiquement, ils puissent regarder sans voir, puissent toucher, palper la chose sans comprendre, sans saisir. C'est merveilleux, pas vrai? Amen. Parler de prédestination. Maintenant, écoutez, verset 12. Afin qu'en voyant, non, pas ça. Afin qu'en voyant, ils voient et n'aperçoivent point. Et qu'en entendant, ils entendent et ne comprennent point. De peur qu'ils ne se convertissent et que les péchés ne leur soient pardonnés. Donc Dieu fait comme ça pour qu'ils ne comprennent pas pourquoi. N'est-ce pas, frère? Amen. Ça, c'est un bon Dieu, ça. On peut lui dire gloire. Pas vrai, frère? C'est-à-dire qu'il n'est pas venu pour sauver. C'est ce qu'il dit dans le livre de Matthieu, dans ce livre de Matthieu. Il dit que le Fils de l'homme n'est pas venu pour sauver les justes, mais les injustes, appeler les injustes à la repentance. Mais ici, on dit qu'il fait comme ça pour que les gars ne croient pas, pour que leur péché reste sur eux. En fait, ne me fait pas dire des choses ce soir. On va y revenir là-dessus. Regardez maintenant, verset 13. Il leur dit encore, vous ne comprenez pas cette parabole. La suite dit quoi, frère? Vous lisez dans votre gorge, frère. Il dit que vous ne comprenez pas quelle parabole. Ce qu'il vient de donner. Puis il dit que dans ce cas, si vous ne comprenez pas ça, comment vous allez comprendre les... Donc c'est la clé des autres paraboles ici. Alors, mais qu'est-ce qu'il veut qu'on comprenne ici? Qu'est-ce qu'il veut qu'on comprenne? Gardez-vous à l'esprit mon histoire des 3 âges sur âge, les vibromasseurs et les toujours de produits pour maigrir, pour chasser le sucre du corps, n'est-ce pas? Et les graisses, pour brûler les graisses abdominales. Maintenant, regardez ici. Il leur dit, vous ne comprenez pas cette parabole, comment donc comprenez-vous donc les autres paraboles? Donc, la compréhension des autres paraboles, si vous ne comprenez pas l'autre ici, ça sera grave là-bas. Maintenant, continuons. Le semeur sème quoi? La parole. Quand vous voyez ça, si vous avez au moins fait le champ, vous voyez l'action, n'est-ce pas? Le semeur sème quoi? La parole. Ok. Les uns sont le long du chemin, c'est-à-dire que là où ils sèment. Les uns, vous voyez les types de terre, le long du chemin, où la parole est semée. Quand ils l'ont entendu, aussitôt Satan vient et enlève la parole qui a été semée en eux. Soulignez ça. Hein? Je ne sais pas. 20h dans 15 minutes. Nous soulignons la partie où il a dit Satan vient et enlève. La question c'est, en lisant ceci, on doit se poser la question, comment Satan fait pour enlever? Cette question doit être répondue. Parce que on a un problème ici. Un problème de la personnalité de Satan. Un problème de son attribut. Un problème de la disponibilité de l'esprit pour pouvoir planter. Un, Satan ne peut pas être à deux endroits de la même façon, au même moment. N'est-ce pas? Amen. S'il y a 800 prédicateurs sur la terre de prêcher, comment Satan va faire pour enlever dans le cœur de chaque individu la parole qu'il a entendue? Vous devez répondre à cette question. Donc, de quoi est-ce que le Seigneur est en train de parler? Ou mieux, comment est-ce que Satan enlève la parole qu'on a prêchée dans le cœur des êtres humains? Comment? Parce qu'il faut, c'est qu'il a du travail, n'est-ce pas vrai? Amen. C'est qu'il a du travail. Donc, lorsque les gens sont en foule, vous voyez dans les stades, dans un stade de football, il y a plus de 50 000 personnes assises. On prêche. Comment Satan fait pour enlever la parole qui a été plantée dans les cœurs des gens? Vous devez méditer là-dessus. Vous avez moi, frère? Amen. C'est pour ça que je vous demande de souligner et y méditer. Parce qu'en réalité, Satan ne se présentera devant jamais vous, devant vous physiquement. Vous ne le verrez pas comme ça. À moins que vous touchez à une autre dimension où vous venez toquer le sol, vous êtes pom, pom, pom, pom. Là, il peut vous rencontrer pour vous dire que tu vas mieux sentir. Mais il ne viendra pas devant toi, mais ça peut dire que donne-moi la parole que tu as entendue là-bas. Ouvre-moi ton cœur. Non, ne fais pas cela. Qu'est-ce que le Seigneur te dit? Donc, vous allez voir ça pratiquement. Comment est-ce qu'il enlève la parole? Enfin, continuons, regardez. Verset 16. Les autres, pareillement, reçoivent la semence dans les endroits pires. Quand ils entendent la parole, ils la reçoivent d'abord avec joie. Mais ils n'ont pas de racines en eux-mêmes. Ils manquent de persistance. Et dès que survient une tribulation ou une persécution à cause de la parole, ils y trouvent une occasion de chute. Frère Junior, je crois, j'ai décidé de vivre dans la sanctification comme tu as dit. Mais mes parents, ils ont fait comment? À la maison, ils parlent pas de ma maison. Ils disent, tu sais quoi, frère? Oui, oui. Prends 7 jours de jeûne à sec, tu comprends, non? Oui, ferme ton téléphone. Vous savez ce que je fais? Je l'envoie encore là-bas devant toi pour l'enfoncer. Pour qu'il comprenne que chacun a son lot. Donc, il souhaiterait que le frère Junior dise la solution pour que son père... Viens annoncer ça à mon père, comme ça on verse l'eau chaude sur moi là-bas dans la maison. C'est sur lui qu'on va verser. Chacun aura pour ennemi des gens de sa propre maison. Non, il faut que croisse. Il dit ça à mon père, il était un bon croyant. Il croit depuis, il n'y a pas de problème. Croire, c'est une chose. Tenir la vérité. Pour que quelqu'un soit 48 ans dans l'idolâtrie, que tu le veux un jour, tu dis que papa, ce que tu fais là, c'est faux. Tu es d'abord comme ça, que tu es né dedans, tu es baptisé, confirmé, communé. Tu veux enseigner ça à qui? Tu vas savoir qui entre vous deux qui a construit la maison là. Il dit, lorsqu'il lui trouve une persécution ou une tribulation à cause de la parole qu'il a entendue, dit dans la version de Luc chapitre 8, il trouve une occasion de chute. Tu entends quelqu'un dire que je suis un rétrograde. J'étais fervent d'esprit. Mais mes parents ont fait. Il a son type de tête. Tout ce qu'il fait là, il veut justifier. Les paraboles, il est contenu là, dedans. Donc si quelqu'un écoute cette voix maintenant, n'importe où sur la terre, quand tu es là, tu prends la Bible, ou même que tu ne prends pas, tu es parmi l'une des personnes. Donc les types de tête qu'il y a ici là. Chacun se trouve là-dedans. Maintenant, on continue. Verset 18. D'autres reçoivent la semence parmi les épines. Vous savez ce que symbolise les épines, n'est-ce pas? Ce sont ceux qui entendent la parole, mais en qui les soucis du siècle, virgule, la séduction des richesses. On va revenir sur ces versets particulièrement lorsqu'on va parler de certaines choses. Et l'invasion des autres convoitises étouffe la parole et la rendent infructueux. Vous voyez pourquoi il faut observer son cœur, n'est-ce pas? Vous voyez pourquoi il faut observer son cœur. Donc, non, allons-y doucement, d'accord, frère? Donc, on dit, voici une autre catégorie. Ils écoutent, ça pénètre bien, mais ça trouve à l'intérieur, parce que dans la parabole, on a dit que c'est tombé en roue, il y avait les épées, que ça puissait. Mettez, voyez seulement cette image, mettez le masque, que ça pousse, Ou bien dans un endroit où il y a un obstacle, vous allez voir comment le maïs est jaune, ça s'est cherché comment à s'en sortir parce qu'il y a les obstacles. Ici, ce sont les épines. Parce que même si le maïs veut faire, si le feuille sort, l'épine, ça pèse. Donc la terre où le maïs a été planté se trouve en même temps dans une terre de compétition avec les épines. Et il a cité ce que c'est que ces jets d'épines. Vous me suivez, n'est-ce pas? Oui. C'est comme il y a un garçon qui m'a écrit des garois. Il me demandait, frère Junior, est-ce que les réseaux, le quoi vous appelez marketing des réseaux, ils sont parlé parce que c'est lié. Il me demande, est-ce que les marketing des réseaux sont bien pour un croyant? Instantanément, je lui ai écrit, le marketing des réseaux n'ont rien de satanique de façon directe. Mais il en a de façon subtile. Amen. De façon directe, vous ne pouvez pas voir le satanisme. Mais de façon subtile, parce que être satanique, ça ne veut pas dire que tu es dans une secte. Et si vous ne croyez pas au Seigneur Jésus-Christ, vous êtes un sataniste. C'est pas ça, frère. Si tu dis que je ne crois pas au Seigneur Jésus, tu es un sorcier. Il n'y a que les sorciers qui ne peuvent pas croire en lui. Pas vrai? Seigneur, tu sais qui? Satan. Alors quand tu sais Satan, tu dis que tu es sataniste. C'est un sataniste. Tu peux être sataniste non pratiquant. Comme il y a des catholiques non pratiquants. Tu es sympathisant chez Satan. Donc quand on cherche les gens comme les dégâts collatéraux, tu es parmi. Alors je lui ai dit que ça n'a rien de façon directe comme sataniste. Mais ça en est subtil. Nous voici ici en toile de fond. Voyez le principe du marketing des réseaux. Il faut tisser dans la toile pour avoir des fioles sur lesquelles tu vas te baser. Et là, il faut au moins 75% de ton temps pour bâtir. 90% encore. Tu vas passer le temps à bâtir, à convaincre, à utiliser les subtilités, à faire que l'autre aime le produit que tu as. Parce qu'on t'a inculqué comme ça. Si le produit est mauvais, même si c'est mauvais, tu fais tout parce que l'objectif, c'est d'avoir l'argent dans le corps. On te miroite en te présentant de l'argent. Que si tu construis ton réseau, que tu es vraiment bien, troisième, quatrième, cinquième génération, tu t'assois comme ça, l'argent est dans ton compte. N'est-ce pas, frère? Qu'est-ce que Dieu a dit, frère? Non. Que tu te couches, que l'air entre. Alors maintenant, tu prends du temps pour tisser le réseau. Le réseau pour que l'argent entre, pour que tu ne manques de rien. Donc, le réseau marketing, c'est ton assurance. Il ne faut pas que tu manques de quelque chose. Mais le psaume 23, quand tu vas réciter, tu ne dis pas que le marketing des réseaux est mon aide, je ne manquerai de rien. Tu dis c'est qui? L'éternel. Une chose, puis son contrôle de ce côté-ci. Il dit, ok, voici là où la subtilité arrive. Quand tu vas prendre 90% de ton temps pour y travailler, pour profiler tes filiales, quand tu vas voir que ça grandit, tu vas encore regarder quelques rangs. Comme j'ai plus 90% de temps, il faut aussi mimimer encore. Ça sera encore davantage grand. Tu as des poursuivres qui, frère? Il tente d'expliquer donc ça à un frère qui est venu à la maison. Il a dit que non, il ne trouve pas ça pour les gens de mal. Il dit que explique donc ton idée. Il a fini d'expliquer. Il dit que moi, en tant que chrétien, je peux faire ça et ça ne dérange pas. Il dit ok, c'est bon. Oui. Il dit ok, frère. Maintenant, tu as ton produit. Il dit non, c'est ça le complément alimentaire. Il dit c'est nous tous nous mangeons mal. Il n'y a pas de pays, de continent qu'on mange mal comme en Afrique. C'est là où il y a beaucoup plus de nourriture qu'on mange justement mal. Parce qu'on prend le légume. On prépare le légume, les choses qui sont à l'intérieur, la chlorophylle qui est à l'intérieur. On presse encore. Quand c'est vert là, le liquide qui est vert là, on dit que ish, on verse. Ce qu'on doit te consommer, c'est ce qu'on a dû verser. On finit verser, on met encore, on frit ça jusqu'à ça, jusqu'à. C'est grave. Donc on ne compte pas le temps de cuisson d'un aliment. Donc le sens pour nous, c'est que ce soit bon dans la bouche. Que tu as mis du cube, du sel, des oignons. Quand on sent avec le manjanga, ça sent, on dit qu'on mange bien. Non, mais c'est pas ça manger bien, pas vrai. On se bourre plutôt. Alors maintenant, j'ai dit, admettons que on est en Afrique, on mange mal, donc il faut des compléments alimentaires. Compléments alimentaires, c'est que tu complètes ça parce qu'on a tel nombre de calories, il faut tel nombre de choses pour pouvoir manger. Il faut compenser en magnésium, en n'importe quoi et autres, une qui puisse y avoir. Ok, maintenant, quand on mange donc comme ça, tu viens, tu vois quelqu'un, on dit non, manger d'abord, c'est guérir, c'est d'abord de bien manger. Si tu manges bien, les globules rouges vont faire telle chose. C'est ça les choses que les techniques de convection. Et il posait une seule question à ses frères. Il dit, frère, oui, tu portes ton sac, il y a des médicaments là-dedans. Le produit là-dedans, tu entres chez quelqu'un qui est malade. Tu es chrétien. Qu'est-ce que la Bible dit par rapport à la maladie qui est au-devant de lui? Il m'a d'abord regardé comme ça. Il a dit, tu as compris la question. Tu as ton produit ici. Tu as la Bible sur le cœur et la Bible dit quoi par rapport à la maladie qui est à l'intérieur? Tu sais ce qu'il m'a dit, frère? Il dit qu'il y a le frère, il y a des gens qui ne croient pas à l'évangile, ils ne croient pas au Seigneur parce que le Seigneur est invisible. Il dit, s'il présente le Seigneur, il ne croit pas que parce que le Seigneur est invisible, il lui présente ce qui est visible. Il dit que donc il vit avec le visible et l'invisible. Il dit, et honnêtement, il ne doit pas présenter le Seigneur là-bas. Parce qu'il part pour un but, pour gagner quelqu'un. Il ne gagne pas quelqu'un pour le corps du Christ. Il gagne quelqu'un pour le marketing des réseaux. Parce que le technique, c'est que tu achètes une fois. Le produit, son... mais comment vos produits sont chers comme ça? Justement, il y a une autre opportunité d'affaires. Il y a une opportunité d'affaires. Tu t'inscris toi-même. Ça te fait un réflexion que non seulement quand tu achètes, tu as encore le bonus sur ça, mais ça te revient moins cher. Comme ça, après tu lui dis, tu lui injectes le même venin. Va aussi faire ce que tu as dit, même fait. Vous voyez? C'est que jusqu'à ce qu'il avait fait une nation de disciples, il fait plutôt quoi? Il avait fait une nation de marketing des réseaux. Va faire la même chose. Va le dire lui parce que. Lui ne te dit pas que quand tu t'inscris comme ça, j'ai un pourcentage. C'est lui que tu vas venir, j'ai un pourcentage sur lui et sur chaque produit qu'il va faire. Il ne dit pas parce que c'est lui arrêté qu'il en peut faire. Relisons encore ici. Verset 18. D'autres reçoivent la semence parmi les épines. Ce sont ceux qui entendent la parole. Mais en qui les soucis du siècle, la séduction des richesses. Vous avez vu ça, frère? Vous avez vu cela? Hein? La séduction des richesses et l'invasion des autres convoitises étouffent la parole et la rendent infructueuse. On dit donc qu'il y a le niveau des palmes d'or, des palmes d'argent ici. Quand tu arrives au niveau des palmes d'or, on te fait aller aux États-Unis. Tu dis, hein, États-Unis, mais sauf que Maurice, on va se caler là-bas. Quand tu es au niveau de l'argent ou du diamant, on te donne une voiture qui porte la plaque et ça. Tu pars dans ton supermarché, tu ne regardes plus le prix des produits. Tu prends seulement, tu mets. Tu prends seulement, tu mets. Parce que tu sais que c'est avec les cartes magnétiques que tu vas acheter. Des invasions du siècle et des autres convoitises de richesse. Vous avez moi? Et Dieu lui a dit que c'est en cela que c'est subtilement satanique. Parce que petit à petit, ça te dérobe ton temps, ça te dérobe tes capacités, ça te dérobe la confiance du Seigneur pour la placer dans les produits. Voilà. Donc, Satan n'a pas besoin de vous présenter que prends le corps pour tuer. Parce que c'est que l'autre là, tu vas refuser parce que tu sais que le sang de lui qui a été versé. S'il peut t'avoir sur un autre terrain sans toucher le sang, c'est un problème pour lui. Non. On l'appelle donc le malin. Vous avez moi, hein? Amen. Ok. Maintenant, tu dis, je vais utiliser mes 90% de temps, je vais bâtir, quand je vais bâtir ça, après je vais tester, je vais utiliser le 90% de mon temps encore pour la Bible. Vrai, vrai, en tant que croyant, vous utilisez 90% de votre temps dans la Bible. Vrai, vrai, pour être de vrai. Non. Parce que la Bible, quand tu finis de lire la Bible, la nourriture ne sort pas là. Alors quand tu fais le marketing des autres, tu tacles 4 ou 5 clients, après tu peux manger n'importe quoi que tu manges. Pas vrai? Oui, oui. Après tu fais, tu dis, j'ai la joie dans mon cœur. Jésus est ma source de joie. Frère, c'est Jésus qui est sa source de joie. C'est Jésus qui est sa source de joie. C'est le marketing du réseau. Donc, j'admets qu'il y a des conditions difficiles. Des situations difficiles. Des situations extrêmement difficiles qui peuvent pousser les gens au désarroi. Les politiques et l'eau politique sur place ne donnent pas l'opportunité. C'est l'année de dormir. On va commencer la prophétie ici, mais on va commencer. Donc, les politiques et le politique ne donnent pas l'opportunité aux gens de réussir et de pouvoir s'en sortir. Par conséquent, on se retrouve donc dans Luc des Ecclésiastes, chapitre 9, le verset 11 qui dit le pain n'est pas forcément pour ceux qui sont intelligents. Parce qu'il y a des gens qui ont les diplômes ici. Allez au niveau de l'université, vous allez voir les gens qui sont des photographes, qui ont le doctorat. Vous voyez là, n'est-ce pas? Il dit tout dépend pour eux de temps et de circonstances. Quelqu'un va venir te dire que j'ai commencé la partie du réseau comme ça là. Ce n'est pas incompatible avec la vie chrétienne. Il n'est pas fait comme ça là. Il ne va pas te dire la vérité. Alors maintenant, voici donc la solution de toutes ces choses-ci. C'est laisser gouverner par la parole. C'est laisser gouverner par la parole. Vous allez voir ce qu'il en est maintenant. Vous allez voir ce qu'il en est. Parce que, comme j'ai dit tout à l'heure dans mon histoire, lorsque les gens ont eu accumulé certaines choses, lorsque le compte de ça arrive, il cherche à ce que la solution soit là, vite, vite, vite, vite. Pourquoi pas la marketing réseau? Parce qu'on lui a dit que si tu regardes, on met un schéma, on dit que si tu as peut-être, prenons 10 personnes, on parle de pourcentage. Supposons que tu dépenses 28 millions, après quand même le pourcentage, tu vois, 2 millions. Dans ta tête, pendant que tu es en réfléchir, tu commences à regarder, on dit que commence par tes contacts, tu dis que frère Junior, contactez-moi, vous allez me voir. Que invitez-le au parana, vous appelez quoi? Au séminaire des à la formation des opportunités, des affaires. Quand tu commences, tu regardes quelqu'un comme Fred, tu dis qu'il ne travaille pas, il n'a pas, il ne dit pas si il y a des produits là. Tu regardes, tu ne guettes pas ta année. Oui, c'est un fonctionnaire. On va le travailler. Regarde comme ça. Fred Bogda, oui, on va le marasser, il va montrer ses droits qu'il a fait là. On cible les gens. C'est pas le jugement qu'on fait là, c'est un bon jugement, frère. Bon, mais je suis en train de dire que si la parole nous gouverne, vous allez voir les conséquences dans cette écriture-ci. Le vrai problème, c'est que nous ne voulons pas nous y soumettre en réalité. Nous venons vers Dieu lorsque les temps sont difficiles. Et on crie à lui. Remarquez, qu'est-ce que David le dit? David dit dans cette psaume 120 que nous avons pris au verset 1 là. Il dit que dans ma détresse, j'ai crié à celui qui fait le marketing du réseau et qui passe du temps. Dans sa détresse, il va crier à qui? Au marketing du réseau. Il va aller voir son fils pour dire que ça ne marche pas depuis longtemps là. Les points n'augmentent pas. Et voici encore le technique. Dans sa détresse, il va crier parce qu'il croit que l'argent répond à tout. Tu vois quelqu'un qui a la dialyse, même quand il est en phase terminale, il dit qu'on ne sait jamais, il y a un témoignage de quelqu'un qui était venu comme ça là. Ce n'est pas la prière, c'est qu'il donne l'argent. Quand la personne meurt, que tu viens la prochaine fois, tu viens avec le truc, en tant qu'il est mort, tu dis ouais, là c'est pas qu'il est mort. C'est qu'un maillon de la chaîne a été brisé. Vous allez commencer à voir que vous allez commencer à voir le langage satanique, subtil, le mensonge, le détournement pour votre propre bien. Donc, on vous enseigne l'art de détourner pour pouvoir avoir de l'argent. Ce n'est pas détourner de façon directe. D'user de vos capacités intellectuelles ou sataniques pour pouvoir détourner les gens à ce qu'ils puissent enlever les choses de leur porte-monnaie pour te donner. C'est comme une soeur qui, effectivement, était venue. Je crois que c'est mon épouse qui connaît ces choses-là. Elle travaille dans une station de télévision à la place. Elle était venue vers moi. Je crois que vous appelez, vous dites fibron. Elle avait les fibrons. Elle vient et dit, frère Junior, j'ai le fibron dans le ventre. Qu'est-ce qu'il doit faire? Il dit, laisse-moi, il veut prier. Vous savez l'être humain, je ne sais pas comment vous êtes. C'est-à-dire que quelqu'un vient, il n'a soit pas d'idée. Il dit, il veut prier. Il dit que tu dois passer par l'opération. C'est ce que le Seigneur m'a dit, tu dois passer par l'opération. C'est l'opération, tu dois passer par l'opération. Tu ne passes pas par l'opération. Je crois que si ma maman est bonne, elle avait dit que non. Il y a un pasteur qui lui a vendu des produits, vous appelez quoi? Les produits qui tuent ça. Elle est venue ça à ma femme, quand elle racontait, elle voit l'image, elle s'est dit que ça. Je crois que je vois toi encore. C'est ça? Elle dit que non, ça a coupé. Je regarde de ce côté-ci. Le diagnostic qu'elle donne, c'est parce que je suis en train de regarder. Il dit que ça a multiplié plutôt. Je vois trois. Elle dit que non, le pasteur a dit que ça a brûlé. Le pasteur finit de donner les bidons. Quand elle a vu que tu as dépensé 30 000, elle dit, kachaka, ya, ya, ya. Puis j'ai pris sur toi. C'est-à-dire que le remède et plus la prière vont faire l'effet. Dieu n'est pas dans le mélange. Dieu n'est pas dans le mélange. Parce que ici, c'est la subtilité. Où est-ce qu'il en est, n'est-ce pas? Donc, quand elle est venue, elle dit que non, il faut acheter tel produit. Il dit que la solution, c'est l'opération. Quand elle pense que l'opération, elle dit que c'est pas l'opération, il ne me lève plus. C'est pas là, ça va comme. C'est pas comme ça que Dieu fait. Alors vous dites, ok, comme il a fibre, il veut prier pour que ça sorte. Il t'a dit qu'il veut que ça sorte là comme ça. Oh. Mais le pasteur est allé, il a dépensé 30 000, 40 000. Le pasteur dit que non, quand on donne ça, ça sèche. Et te donne pour le témoignage que la femme s'est fait comme ça, la femme s'est fait comme ça. Dieu ne guérit pas en série et de façon monotone. Si c'est Dieu. Pour un aveugle dans la Bible, il a fait la même chose. Non. Pour le paralytique, il a fait la même chose. Non. Les lépreux, il a fait la même chose. Donc on a des problèmes avec Dieu. Ah non, c'est parce que tu es mal. Il ne faut pas le complément alimentaire. Ça va te booster. On te donne le mbanga naturel. Ça te fait booster. Tu crois que tu es trop fort. Mais la maladie à l'intérieur, ça en est tué. Maintenant, même si tu prends le complément alimentaire, si la maladie qui est là-bas est causée par le démon, le complément alimentaire va compléter l'alimentation du démon. Ah, le démon va prendre du poids. Tu vas encore avoir la chèvre qui bouffe bien, non? N'est-ce pas, mes frères? Tourne-toi, regarde quelqu'un, dit laisse-toi gouverner par la parole. Soit vous croyez à la parole, soit vous ne croyez pas. Faisons un défi. Je ne suis pas encore arrivé au niveau du verset de Marc chapitre 7. Marc chapitre 4, vous devez prendre, vous devez commencer à titiller. C'est pour ça qu'il dit que c'est long. Maintenant, faisons un détour. Bon, continuons la lecture d'abord. Quand il parle de gouverner par la parole, c'est ce que je veux dire. Quand il dit qu'on se laisse gouverner par la parole. Vous savez ce que je vais dire? Durant ce moment des jeûnes, prenez le psaume 119, passez-y le temps. Avec le psaume 128, psaume 119 et le psaume 128, passez-y le temps dans ces deux psaumes-là. Regardez, observez. Je crois qu'on va faire un détour par là, en sortant par la prière, si nous finissons aujourd'hui pour ce sujet. Thank you. 20h, WhatsApp. 21h, WhatsApp. Toto en Israël. Toto a encore frappé fort. 22h. Dans l'obscurité, tu regardes, il y a l'obscurité, tu vois une lumière là-bas, André de Jaïti. Regarde, les Camerounais sont en train de gâter leur nom en main. C'est un prostitué. Minimum. Seigneur, merci pour tout ce qu'il y a fait pour moi de terminer. On dépose le téléphone, on dort. Et tu espères avoir ces visions. Pointe quelqu'un dans le nez. Dis, c'est les horreurs des voisins que tu auras. Dis, c'est les horreurs de WhatsApp que tu auras. Et les histoires de Toto que tu vas rêver. Voilà. Il arrive. Se laisser gouverner par la parole. On va dérégler notre mentalité, d'accord? Vous voyez que, une fois de plus, WhatsApp n'a rien de satanique de façon directe, mais en toile de fond, il en est en réalité. Parce qu'en réalité, tout ce qui, de façon subtile, peut vous déchoir, peut vous chipper le temps de la méditation de cette parole si est du pouvoir du démon. Tout, même si le nom n'importe quoi. Il y a donc d'autres qui, que vous pouvez vous en séparer et d'autres que vous devez être délivré. Maintenant, continuez seulement si vous allez voir. Et remarquez bien. Amusez-vous seulement, pardon, vous allez m'écouter. Observez le temps que vous passez sur les réseaux sociaux. Déposez le téléphone. Passez le même temps seulement que vous allez voir. Quand vous allez ouvrir comme ça, première réaction, pour dire que les démons sont entrés au fur et à mesure. Les démons sont entrés. Appelle l'un gif des autres, pom pom d'or, après tu vas te lever. Quand tu te lèves, la première réaction, tu cherches la première Bible, quoi? WhatsApp. Toto a encore fait force ce matin. Je vais seulement répondre à ceci. Tu réponds, on répond. Tu continues. En voyant que tu as fait 3 heures sur place. Dis à ton voisin, laisse-toi gouverner par la parole. Je suis dans l'expérimentation. Je suis quelque part. Je vous dis des choses bientôt. Je suis dans l'expérimentation avec ces choses-ci. Maintenant, regardez. On avance. Verset 20. D'autres reçoivent la semence dans la bonne terre. Ce sont ceux qui entendent la parole, virgule, la reçoivent, virgule, et portent du fruit. Vous avez vu 3 choses qu'on a nommées là-bas. Ils reçoivent la parole. Ils font quoi? Quand ils entendent, ils font quoi? Et puis? C'est donc quoi recevoir la parole? Vous devez lire, vous poser des questions et trouver le résultat. C'est quoi donc recevoir la parole? Maintenant, regardez, vérifiez maintenant cela, pendant que vous entourez. Et là, nous nous trouvons en plein pentecôtisme là maintenant, avec les dérives. Si vous lisez Jean chapitre 1, vous avez moi, hein? Amen. Si vous lisez Jean chapitre 1, à partir du verset 1, où on dit au commencement était la parole. Et la parole était avec Dieu. Et la parole était Dieu. Elle était au commencement avec Dieu. On parle de elle, la parole. Puis on descend au verset 11. On dit elle est venue chez les siens. Et les siens ne l'ont point. Pardon, frère. Les siens ne l'ont point. Mais à tous ceux qui. Non, reçu. Si vous remarquez encore dans ce verset 12 là, reçu termine par avec eux pour s'accorder avec elle, apostrophe qui est mis pour elle. À tous ceux qui l'ont reçu, c'est-à-dire reçu la parole. Alors, c'est quoi donc recevoir la parole? Dans ce livre de Jacques, chapitre 1, le verset 18. La Bible dit, recevez avec douceur la parole. Verset 20. La recevez avec douceur la parole qui a été plantée en vous et qui peut sauver vos âmes. Donc, la parole entre. Enfin, disons que vous allez voir ce qu'il en est. Regardez. Verset 22. Non, verset 21. Il leur dit encore, apporte-t-on la lampe pour la mettre sous le boisseau ou sous le lit? N'est-ce pas pour la mettre sur le chandelier? Car il n'est rien de caché qui ne doit être découvert, rien de secret qui ne doit être mis au jour. Si quelqu'un a des oreilles pour entendre, qu'il entende. Il est dit encore, maintenant écoutez, il est dit encore, prenez garde à ce que vous entendez. Voilà, nous en sommes. Notez ce verset-là, avant qu'on avance. Prenez garde à ce que vous entendez. Ça veut dire quoi? Remarquez très attentivement, on parle de recevoir la parole. Dans le verset 20, 22 jusqu'au 22, il nous a expliqué le fait que ceux qui portent des fruits 30 et 60, ce sont ceux-là qui écoutent la parole et la reçoivent, portent des fruits. Et le problème se situe maintenant au niveau de recevoir. On va y arriver, on va arriver tout à l'heure. Maintenant, il dit, prenez garde de ce que vous faites quoi? Entendez. Donc, ça veut dire que tu peux espérer porter du fruit, mais le fait que la semence qui a été plantée n'est pas la chose qui est bonne, ça ne produit absolument rien. Vous comprenez ce que ça veut dire, n'est-ce pas? Voilà. Ça veut dire que vous prenez la semence de la goyave, vous allez planter quelque part dans la période du maïs, vous pensez que vous allez avoir le maïs, ça ne produira pas, parce que ce n'est pas sa semence, ce n'est pas sa saison. Il dit, prenez garde à ce que vous entendez. Ça veut dire quoi par rapport à la prédication qu'on reçoit? Il dit, ce que vous entendez peut vous créer des problèmes. Prenez garde à ce que vous entendez. Vous savez pourquoi? Parce que quand ça entre, si ça entre en vous, ça prend racine. Le physicien Albert Einstein disait qu'il est plus facile de détruire un atome qu'une croyance. Il est plus facile de détruire un atome. Donc l'atome qu'on ne voit pas, le plus petit élément fondamental de la constitution d'une matière, qu'on ne voit pas, et qu'il faut les microscopes à multiplier avec des milliers de photos de photos électriques pour pouvoir bombarder et détruire. La croyance, ça dit qu'on dit quelque chose. Hein, tu crois? Il dit, pour enlever ça à l'intérieur, c'est un problème. Vous comprenez ça, frère? Amen. Jésus dit, prenez garde ce que vous entendez. Puis il va dire, parce qu'on va donner à celui qui a et qui sera encore dans l'abondance. C'est vrai dire que, notez Jacques. Chapitre 1, verset 20 à 23, ou bien jusqu'à 25. Maintenant, regardez, c'est vrai dire qu'on peut planter une mauvaise semence en toi, tu vas attendre les fruits, ça ne produira jamais. Vous voyez ce que je dis, n'est-ce pas? Par exemple, si tu écoutes la confession de la foi, ou tu écoutes, je crois que je suis enfant de Dieu. Si tu n'es pas désiré être son enfant, tu crois, ça va faire quelque chose? Prenez garde de ce que vous entendez. Parce qu'on vous mesurera selon la mesure dont vous serez servi. Comment est-ce que vous écoutez donc une parole? Comment est-ce que vous écoutez? Est-ce que vous recevez? Est-ce que ça entre en vous? Parce qu'on a dit tout à l'heure là que lorsque les gens, ces personnes écoutent, le diable vient la chipper, n'est-ce pas? Est-ce que ce que tu entends, est-ce que le diable ne la chippe pas avant que tu ne dormes? Vous suivez, n'est-ce pas? Vous avez moi? Amen. Ok. Bon. Maintenant, le Seigneur dit, prenez garde de ce que vous entendez. On donnera à celui qui a, il sera dans l'abondance, mais celui qui n'a pas, on notera même ce qu'il a. Vous avez regardé? Il dit qu'on va vous peser, vous mesurer, secouer. Qu'est-ce que Dieu a dit? C'est ici dans les grandes vérités donc, de la Bible. Les grandes vérités de la Bible se trouvent ici. Si on peut vraiment avoir le temps là maintenant. Je peux avancer, frère? Amen. Regardez. Verset 25, car on donnera à celui qui a. Mais à celui qui n'a pas, on notera même ce qu'il a. Vous y êtes pour moi? Amen. Verset 26. Il dit encore, il en est du royaume comme quand un homme jette de la semence en terre. Qu'il dorme ou qu'il veille nuit et jour, la semence germe et croît sans qu'il sache comment. Amen. Amen. C'est là la même chose que produit cette matière grasse dans nos corps. Tout ce que vous faites, c'est que vous mangez. Tout ce que vous faites, c'est que vous faites quoi? Vous mangez du sucre. Vous consommez de matière grasse. Ça, tu dors, et plus grave encore, à partir de 22 ans montant, vous mangez du sucre avant de dormir. Ça veut dire que le corps est en train d'absorber comme le moteur qui tourne à plein régime. Donc, il dit que tu dors, que tu veilles, ça veut dire que tu vois, le résultat, tu vas même voir ça sur toi. Boum! Il dit que le royaume de Dieu est comme ça. On plante la semence en terre. Reste à côté de la semence et vous voir comment ça va se passer. Tu sais ce qui se passe à l'intérieur du mécanisme de la terre? Non. En vrai, tu vas seulement faire quelque chose et sortir de la terre comme ça là. Tu vois, tu fais deux jours dehors, tu vas venir que le maïs a pris une certaine proportion. Tu ne sais pas comment ça fait pour se passer. Dieu. C'est vrai, on dit que quand quelque chose est entré en toi, ça va suivre un processus. ça va suivre un processus. Et le processus n'est pas déterminé par toi. Tout ce que tu dois faire, c'est de le laisser entrer en toi. Et donc là, il faut qu'on se laisse gouverner par la parole. C'est là où on doit aller. Voici la solution pour tous les croyants, sans exception, depuis l'Ancien Testament jusqu'au Nouveau Testament. C'est pour ça que chaque fois, Dieu a mis ceci en écrit. Notez Romains chapitre 15, les quatre premiers versets. Romains chapitre 15, versets 1 à 4, à 5. C'est le but pour lequel Dieu a mis cela par écrit. Le but principal. Remarquez très bien, il dit à Moïse de prendre écrit. Quel est l'intérêt de Dieu de venir expliquer comment il a créé la terre? Il a besoin d'expliquer ça. Hein? Au commencement, Dieu créa les cieux et la terre. La terre était informée. Il raconte son histoire. Il vous raconte ça. Pourquoi? Il est obligé. L'esprit de l'éternel s'est mauvais sur la surface des eaux. L'éternel fit tomber l'homme dans un profond sommeil. Il est obligé de vous expliquer ça. Si vous êtes tranquille, vous allez poser une question. Dans ce cas, on doit se poser la question, pourquoi il nous envoie ceci? Pourquoi il nous donne ces renseignements-ci? Les renseignements qu'il nous a donnés, ce n'est pas suffisant. Les gens nous disent qu'ils cherchent encore d'autres vérités. Ils disent qu'il n'y a pas d'autres vérités. L'autre, ça ne nous laisse pas. Le petit qui nous a dit, là, ça ne nous laisse pas. On peut avancer, frère. Amen. Alors, Dieu dit, voici le principe, donc. Quand la semence entre, ça pousse, que tu le veuilles ou pas. Ça veut dire que si une mauvaise semence entre, ça va te rendre mauvais. N'est-ce pas? Amen. Parce qu'il a dit, prenez garde à la façon dont vous écoutez. Prenez garde à ce que vous écoutez. Suivez ce que vous écoutez. Vous avez quelqu'un incroyable qui dit que je m'en fous si le secteur Satan, s'il dit n'importe quoi, Dieu va le juger. Et Dieu, Jésus lui dit que toi, prends garde de ce qu'on va vous dire, que tu entends. Prends garde, toi, prends garde. Parce que ça a une influence à l'intérieur. Parce que ça entre, on a des problèmes. Vous voyez pourquoi donc? Il y a des moments donc pour creuser ces choses, pour nettoyer, déstabiliser d'abord ce qui est les fondations qui ont été d'abord là-bas, n'est-ce pas? Il faut fouiller, bêcher, creuser, nettoyer, enlever les racines. Gardez aussi l'histoire du marketing de raison, on va y revenir, que vous allez voir tout à l'heure. Donc, si on est gouverné par la parole, ça se pose donc que c'est le règne de la parole qui dirige notre vie, c'est ça? Amen. Autrement dit, c'est Christ lui-même qui est notre conducteur, c'est ça, frère? Amen. Maintenant, regardez ce qu'il a dit tout à l'heure, il dit, au commencement était la parole, et la parole était avec Dieu, et la parole était Dieu. Elle est venue chez les siens, et les siens ne l'ont point reçue. Mais à tous ceux qui l'ont reçue, elle, quoi? A donné, vous parlez de pandémie, le pouvoir de devenir enfant de Dieu. La parole a donné le pouvoir de devenir enfant de Dieu. Comment? Comment? Lesquels sont nés? Lesquels? Les enfants. Les enfants. Les enfants s'y sont nés. Parce que la parole est l'incubateur dans lequel germe l'esprit pour faire naître. N'est-ce pas, frère? Mm-hmm. Tu as bien suivi ce qu'il dit là. Hein? Mm-hmm. À tous ceux qui l'ont reçu. J'ai lu ici Jésus comme mon Seigneur, mon Sauveur. C'est pas ça. Ce n'est pas ça dont on parle là-bas. À tous ceux qui l'ont reçu. À ceux qui croient en son nom, elle a donné le pouvoir, le privilège. Le privilège. Vous voyez donc qu'on a un problème. Seigneur, je te reçois. Ce n'est pas ça. Donc, c'est une question, n'est-ce pas, frère? Ceci n'a rien à voir parce que quelque chose doit entrer. Parce qu'on doit être engendré par la parole. N'est-ce pas? Si on est engendré par la parole, ça veut dire qu'on est né de l'esprit. Ça veut dire qu'on est né de l'esprit. Maintenant, si on est né de l'esprit, comment donc l'esprit va s'affectionner aux choses de la chair et de la terre? Parce que celui qui est à l'intérieur a un désir, le désir de se nourrir de ceci. Comme vous avez le désir de prendre le sucre à l'intérieur là, et que les effets sont à l'extérieur. Elle est venue chez les siens, la parole est venue chez les siens. Et les siens ne l'ont point reçu. Comment ils n'ont pas reçu Jésus? Pourtant, on voit quand ils entrent dans Jérusalem, on dit, réjouis-toi, fille de Sion, car ton roi vient à toi. On dit que ceux qui étaient là, de façon spontanée, ils ont commencé à chanter Hosanna au fils de David, n'est-ce pas, frère? Ils ont reçu le roi en tant que roi. Mais la parole n'est pas entrée. Ils n'ont pas reçu la parole, n'est-ce pas, frère? Ils ont reçu le roi. Le roi est entré vraiment, mais ils n'ont pas reçu la parole. Mais à tous ceux qui l'ont reçu, à ceux qui croient en son nom, elle a donné le pouvoir, Exocia, le pouvoir de devenir enfant de Dieu, le privilège de devenir enfant de Dieu. C'est vrai, on dit que désormais, ceux-ci sont engendrés par la parole. Est-ce que là, il me fait comprendre? Amen. Voilà, j'arrive. Vous allez voir au niveau de la gouvernance et les implications. Maintenant, je notais Jean chapitre 14. Ouvrons Jean chapitre 14. Jean le chapitre 14. Notez Jean chapitre 14, chapitre 15. Vous avez, je vais prendre seulement quelques versets. Prenez le temps pour lire. Alors, je vais lire quelques versets hier en expliquer. Jean chapitre 14, on y va. Courage, d'accord, mon frère. Amen. Courage, c'est pas facile. N'est-ce pas, mon frère? Qu'est-ce qui n'est même pas facile là? Je comprends. Tu comprends quoi? On avance. Regardez. Il est pas la partie. Je suis dans Jean chapitre 14. Là. Verset 13. En montant. Suivez très attentivement, s'il vous plaît. Soyez attentifs vraiment maintenant là. Donc, le vrai secret de la vie chrétienne, en réalité, c'est de se laisser gouverner par la parole. Ce n'est pas une mince affaire. Ce n'est pas une mince affaire. Ce n'est pas une affaire qu'on peut l'appliquer comme une formule directement, comme l'interrupteur. On appuie ici l'interrupteur. Se laisser gouverner par la parole veut dire ceci. Veut toujours être attention maintenant. Se laisser gouverner par la parole. C'est vrai dire qu'appliquer son cœur à la lecture de la parole en laissant la parole vous lire. Quand la parole vous lit, vous lisez la parole. La parole vous lit. Dieu transfère ses attributs et ses caractères en toi. Détail. Vous êtes avec moi? Amen. Ici, il ne s'agit pas simplement de lecture. Parce que ici, il s'agissait de lecture. Les théologiens qui ont traduit ces Bibles s'y seraient transformés. Ce n'est pas ça dont il est question. Les gens qui lisent pour aller critiquer, liraient et seraient transformés. Le vrai problème se trouve que Dieu a construit lui-même les murs ici et caché des trésors derrière ces murs dans votre parole. Vous avez moi? Amen. Il dit, le royaume des cieux est semblable à un homme qui a trouvé un champ, un trésor qui est caché dans un champ. L'homme qui la trouve va et vend tout ce qu'il possède et vient acheter. Il dit le royaume de Dieu est comme ça. Vous comprenez ce qu'il est en train de dire, frère? Donc il a caché lui-même des choses ici à l'intérieur. Enfin, quand vous allez lire, si vous méditez bien durant votre temps de jour, si vous êtes calme, vous lisez bien Psaume 119, vous allez voir que David avait découvert ce qu'il en était. Ouvrez-moi le Psaume 119, justement là, voir. Vous y êtes? Amen. Attendez, lis le verset 161. Qu'est-ce que ça dit, le verset 161? Des princes me persécutent sans cause. Oui. Mais mon cœur ne tremble qu'à tes paroles. Vous entendez ce que ce monsieur s'est dit? Vous avez vu l'une des révélations qu'il dit là? Quelqu'un qui s'est laissé gouverner par la parole. Regardez, la parole, les statuts, parce que si vous lisez Deutéronome chapitre 17, là, il avait dit que les princes, lorsque quelqu'un sera roi, il va prendre une copie de cette chose, il va lire pour pouvoir y méditer. Vous voyez, à ne pas faire quelque chose qui soit contre la loi de Dieu, n'est-ce pas? La loi est déposée là. Ah, la loi. C'est déposé. Les rouleaux sont déposés. David dit que des princes l'attaquent dans le gouvernement. Des combats se lèvent contre lui. Il n'a pas peur de ce combat-là comme il tremble sur la parole du Seigneur. Ça, c'est le psaume 119, verset 161, n'est-ce pas? Il dit que des princes se lèvent contre lui. Il y a n'importe quel combat. Je veux que vous vérifiez, que vous remarquez bien ce qu'il en est. C'est-à-dire que, nous sommes au Cameroun par exemple, il y a beaucoup d'Aram qui en est d'aller. Tout le monde a peur de vos combats. Quand ça fait PAM, les pieds des gens sautent. PAM, ça saute les gens. David dit que quand ça fait PAM, PAM, ça tue les gens. C'est la parole qui le fait peur. Je pose la question. Qu'est-ce qui se trouve dans cette parole? Comment il a fait jusqu'à méditer là-dessus? On va prendre quelques passages là en dernier pour prier. Si c'est la première partie ou il y a la dernière partie. Alors il dit que des gens se lèvent contre lui. Il dit les princes, c'est-à-dire que le roi, parce qu'en ce moment, les royaumes attaquaient le royaume. Ça suppose que si le royaume vient, il y a le roi ici qui est en train de combattre avec des milliers de soldats. Pendant que vous allez faire vos histoires, vous allez dire, oh Dieu de ma gloire, Dieu de bonté, Dieu du ciel, l'Éternel est ma force. Vous savez ce que David est, frère? Quand vous dites l'homme selon son cœur, vous pensez quoi au juste? Quand vous entendez cette écriture-là, que David est l'homme selon son cœur. Quand vous entendez l'expression l'homme selon son cœur, vous pensez que le Seigneur parle de quoi en appelant David l'homme selon son cœur? Chaque personne a sa typique, des attributs que Dieu lui a attribués propres. David, pour le cas des gens, il a dit qu'il n'y a pas d'homme sur la terre comme lui. Vous comprenez, n'est-ce pas? D'autres personnes, c'est des gens comme Moïse, comme ça, qui fait fléchir Dieu. Mais il dit, David, c'est l'homme selon son cœur. L'homme selon son cœur, lisez Psaume 119, vous allez découvrir pourquoi Dieu le dit. Je veux que vous me disiez encore le Psaume 119, verset 161. Ça dit que le combat réel qui fait trembler, je veux que vous voyez là, le problème maintenant. Lorsqu'on est gouverné par la parole, des effets extérieurs, des signes extérieurs de persécution ne fait pas trembler. Parce que quelque chose a formé le bloc à l'intérieur. C'est pas ce que vous saisissez. Il dit que des rois se lèvent contre lui-même en guerre, en détresse, n'importe comment. C'est que ce statut qui le fait trembler. Donc, ça veut dire que le combat qu'il a amené à l'extérieur n'est rien comparativement avec ce qu'il en est. Parce qu'en réalité, parce que celui-ci, c'est le Tout-Puissant. Si c'est ligue contre toi, personne ne peut te défendre. Alors que celui-là, tu peux même chercher les armées là-bas et te défendre. Donc c'est celui qu'il faut craindre. C'est laisser gouverner par la parole. Donc consiste à plonger. La Bible utilise cette expression-ci pour cette expression de dire. Plonger les regards dans la loi parfaite, virgule, la loi de la liberté. C'est ce que la Bible parle. C'est ça qu'elle dit. C'est écrit où? C'est écrit au frère. Mais là, suivez ce qu'il dit dans ce livre de Jacques. C'est de ça que l'apôtre Jacques parlait. C'est de ça dont il parlait. Regardez, il dit recevez avec douceur la parole qui a été plantée en haut. La parole se trouve déjà haut. Ne vous bornez pas à écouter seulement la parole. Mettez-la en pratique. Vous regardez, ça veut dire qu'on écoute. Le Seigneur nous a mis en garde par rapport à ce que nous écoutons. Il faut faire attention. Maintenant, il dit que si la vraie parole a été plantée en toi, il faut faire attention. Les quatre styles de terre que la Bible nous a présenté dans Luc chapitre 8, oui, Marc chapitre 4, nous avons lu là tout à l'heure. Faites attention pour identifier d'abord sur quelle terre vous positionnez. Vous voyez là, n'est-ce pas? Si vous positionnez sur la bonne terre, ça veut dire le but c'est que le fruit qui est en tête doit s'extérioriser, comme le cas de ces sucres qu'on mange et que ça s'extériorise plus tard. Tôt ou tard, ça va s'extérioriser. Maintenant, Jacques montre les conditions pour que ça nous gouverne. Il dit il faut plonger les regards. Il dit ne vous bornez pas à écouter seulement, en vous trompant vous-même par des faux raisonnement. Ça, c'est déjà que je vous ai donné tout à l'heure. Donc là, on va faire un examen encore une fois de plus. Ça veut dire que pour que la parole gouverne notre cœur, gouverne notre vie, nous devons d'abord comprendre que, un, elle est souveraine sur nous. Mesurez bien ce que vous entendez là maintenant. Ça veut dire que nous devons d'abord comprendre, admettre qu'elle est souveraine sur nous. Ça veut dire que sa décision casse nos décisions. Vous savez? Quand dans le coup, il y a le pouvoir de cassation, c'est-à-dire qu'une décision de justice prise en basse catégorie, ça monte à un tribunal plus élevé, ils sont capables de casser la décision que vous avez prise en bas. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que vous avez votre pensée à vous. Vous avez votre style de vie. Vous savez, comme les gens disent dans la Bible, il y a des gens qui disent, quand ils lisent la Bible, ils disent que c'est ton interprétation là-bas. Que moi, ça ne me fait pas comme ça. Dieu va comprendre que ma chair est faible. Dieu va comprendre. La gouvernance de la parole sur nous prime sur toutes nos pensées. Tout ce que nous pouvons penser. Notre faiblesse n'est pas match face à la gouvernance de la parole. Parce que il vient travailler l'homme intérieur. Quand il gouverne sur l'homme intérieur. C'est pour ça qu'il a dit, ce qui a été planté en vous, ce n'est pas dans cette chair-ci, c'est dans l'homme intérieur. Alors si vous lisez le livre des... Voici le but pour lequel ça entre là. Dans le livre des Romains au chapitre 7, les versets 20 à 23, seule lutte à l'intérieur par rapport à la personne qui aime la loi de Dieu selon l'homme intérieur. Je prends plaisir à la loi de Dieu selon l'homme intérieur, mais je trouve dans mes membres, dans l'extérieur maintenant, une autre loi qui est contraire à la loi de mon entendement. C'est ça, n'est-ce pas? Quelque chose doit venir à l'intérieur pour faire ce qu'on appelle en anglais quicken, réveiller, pour fortifier cette personne intérieure-là. Donc, il y a donc des choses à faire. Notez 1 Corinthiens chapitre 9. Quand il vous donne, j'y reviendrai en donnant le passage dont il est question. Donc ici, vous avez noté 1 Corinthiens chapitre 9, je ne vais pas avancer. Donc là, l'apôtre Jean nous dit, recevez avec douceur la parole qui a été plantée en vous et qui peut sauver votre âme. Il dit que mettez la parole en pratique. Comment on doit mettre la parole en pratique? Ça veut dire, il a dit clairement, comme le Seigneur avait dit, gardez, quiconque même garde mes commandements. C'est-à-dire que la mise en pratique, ça veut dire que vivre, c'est que la parole dit de faire. C'est donc pour cela qu'il dit tout à l'heure là que se laisser conduire par la parole, se baigner dans la parole, gouverner, être gouverné par la parole veut dire, pendant que vous la lisez, la parole, en y plongeant par la méditation, la parole vous lit. Gardez bien ce mot à l'esprit, je vais y revenir encore pour bien expliquer. La parole vous lit. C'est-à-dire, vous savez, quand vous passez dans un endroit pour aller dans les boulangeries, il y a les miroirs là. Pendant que vous passez, si votre culotte est déchirée derrière, il suffit de jeter un coup d'œil sur le miroir. Quand tu as jeté le coup d'œil sur le miroir, tu prends attention, ça te montre vraiment comment ton derrière se trouve. Pas vrai, frère? Et là, quand tu prends conscience que tout ton yala que tu faisais là dehors, tu n'étais pas au courant que ta culotte est déchirée derrière. Tu cherches maintenant comment tu vas faire pour sortir là-bas maintenant. Parce que le miroir t'a montré que ta culotte est déchirée. Peut-être que tu es en train de voir. Tu es en train comme ça, comme si tu étais un très bon type. Frère. Alors tu as fait comme ça, on voit le trou ici. Les gens te regardent dehors pendant que tu es en train. Tu dis que, toi, dans ta tête, c'est que tu dis que non, le type là est frère. Là, maintenant, quand tu es conscient que le miroir t'a présenté que ta culotte est déchirée, tu comprends pourquoi on te regardait dehors. Il faut maintenant que tu trouves l'équation comment faire pour sortir. N'est-ce pas, frère? Commence à tourner là-bas, tu marches, tu vas marcher maintenant comme quelqu'un qui a le poche corps pour sortir. Alors, c'est ce que je veux dire. Quand vous lisez la parole, vous y plongez, la parole vous lit, c'est-à-dire, ça reflète la nature que vous avez. Ça reflète les comportements que vous avez. Ça reflète ce que Dieu veut de vous. Et là, maintenant, le plus grand, c'est ceci. C'est que quand ça reflète cela, ça ne reflète pas seulement pour le jugement, ça nettoie et t'imbibe du caractère de Dieu. C'est ce que quand la parole nous gouverne, c'est comme ça. Ça t'imbibe du caractère de Dieu au point où, au fur et à mesure, le langage commence à changer. Le comportement commence à changer. Le style de vie commence à changer. Sinon, pour cela, vous pouvez voir. Il y a des choses dans la Bible que le Seigneur a dit que lorsqu'on avance dans les problèmes, vous allez commencer à saisir pourquoi il est question comme ça. Vous avez entendu cette phrase-ci, ne donnez pas les choses saintes aux chiens. Amen. Hmm? Amen. Ok, maintenant, viens. Celui-ci fume la cigarette. Hey, ne fume pas la cigarette. Si tu fumes la cigarette, tu n'entends pas le royaume des cieux. Bon, il a la cigarette, il entre. Donc, ça dit son problème n'est pas la cigarette. Si tu dis d'arrêter la cigarette, ce n'est pas le problème. Quelque chose doit être fait en lui. Alors maintenant, quand il fume la cigarette, il ne voit pas du mal à cela parce qu'il se fait plaisir. Sa Bible dit, aide-toi et le ciel t'aidera. Sa Bible dit comme ça, que aide-toi et le ciel t'aidera. Il cède. L'autre verset de sa Bible dit, tu manges, tu meurs. Tu bois, tu meurs. Tu ne bois pas, tu meurs. Je bois et je meurs. Donc, pour dire que chacun a sa face pour nous mourir, il a déjà choisi sa part. C'est ça que c'est notre verset de Dieu qui lui dit comme ça. Donc voilà. Alors, ça veut dire qu'il a choisi que c'est la Seigneur qui va le suivre. Bien qu'il va. Enfin, vous voyez le cardiologue. Le cardiologue que tu viens consulter. Il met ton. Vous appelez la radiographie de ton thorax là-bas. Il voit les perforations. Il met le verre comme cela. Il prend la pause, lui met la cigarette ici. En observant. Il dit bien le cardiologue. Le quoi? Cardiologue. Il regarde dans ses appareils. Il met les vous savez, les grosses verres de José là. Il gagne comme ça là. Il met la cigarette ici. Que mon gars, tes poumons là sont percés. Hein. En réalité, il regarde le cardiologue de quoi? L'image de qui aussi? Qu'est-ce qui a causé le trou sur celui-là? Souvenez-vous de ce que le Seigneur dit. Il dit ne donnez pas des choses saintes aux chiens. Ça veut donc dire quoi? Si quelqu'un n'est pas gouverné par la parole, il n'est pas tenu d'observer ce que la parole dit parce que ça n'a pas de. Il ne voit pas la parole comme souverain sur sa vie. Donc il ne voit pas en quoi il va obéir cela. Vous avez moi? Hein? Alors l'apôtre Jean nous dit que laissez donc que ces paroles-là gouvernent. Et donc je dis, lorsque vous lisez la parole, vous y méditez, la parole vous lit, ça vous présente votre vraie nature. Il y a une chose seulement que vous ne pouvez pas. C'est pour ça que dans ce verset de Jacques chapitre 1 là, il présente ça et puis il reflète ça au miroir pour que si vous dites, vous ne comprenez pas ce qu'il a dit, vous comprenez la réalité. Il dit que celui qui plonge, celui qui écoute la parole et ne la met pas en pratique est semblable à un homme qui, ayant regardé son visage dans le miroir, s'en va aussitôt en oubliant tel il était. N'est-ce pas, frère? C'est vrai, on dit que la parole, cet acte-ci, veut dire qu'on ne va pas seulement dans la Bible pour la lire. Parce que tu ne peux pas, quand vous passez devant le miroir, vous ne faites pas seulement comme ça là. Vous partez. Parce que tu fais comme ça, va. Tu pars. Il y a des choses que le miroir a voulu te montrer, tu as refusé de voir. Il y a des choses que si tu regardais avec attention, tu devais observer. Il y a des gens qui s'habillent, des hommes qui s'habillent. Ils se boutonnent les habits. Ça arrivait en bas là-bas, c'est décalé. Ça veut dire qu'il a mis son habit. Pour lui, il est frais comme plus que papa taille. Il sort comme ça, il est devant le miroir, il guette comme ça là. Le fait qu'il ait de guetter plutôt sévère pour voir si le guette veut me positionner, que maman taille va me sentir ici dehors. En faisant comme ça là. Quand il regarde comme ça là, il ne prête pas attention sur l'habit qu'il a boutonné. Quand il passe là-bas, les gens le regardent comme il connaît son style d'habit, sa coupe d'habit qu'on a déjà gagné. Mais on regarde que comment le père a pu faire comme ça, il suit la femme ci. Pourquoi? Parce qu'il a décalé le bouton. Vous savez comme les enfants faisaient souvent. Ils boutonnent comme ça, l'autre côté est long, l'autre est long. Après, quand il regarde en bas, il dit que il fume là rapidement pour aller quelque part pour changer. Quel est le problème devant le miroir, frère? Qu'est-ce qui s'est passé devant le miroir? Il n'a pas prêté attention. Ça veut dire que s'il veut contrôler les cheveux, il contrôle les cheveux. Il va regarder la partie des cheveux dans le miroir. Regarde si les cheveux sont corrects, si ses vêtements sont corrects, s'il est bien coiffé. Après, il regarde maintenant, il y a des gens qui sortent avec le corps à l'intérieur. C'est à l'intérieur. C'est là où, après, vous voyez, n'est-ce pas? Il faut contrôler l'habit, contrôler le bas. Quand tu fais cela, la Bible déclare que tu as plongé le regard dans le miroir. D'accord? Voilà. Maintenant, si tu plonges le regard, tu as regardé que ton bouton est bien aligné. Si c'est bien aligné, tu sors. Mais ce que je te dis que tu n'es pas bien boutonné, tu ne tiens pas parce que tu es dans le miroir. Le miroir m'a d'ailleurs montré. Maintenant, il dit, mais celui qui aura plongé le regard dans la loi, ça c'est dans le Nouveau Testament, on écrit comme ça, n'est-ce pas, frère? Donc ça veut dire qu'il faut qu'on comprenne. Pourquoi l'apôtre Jean arrive à ce niveau-ci? Il dit la loi parfaite. Puis, non seulement il appelle la loi parfaite, il dit virgule, la loi de la liberté. La loi de quoi, frère? De la liberté. Donc, dans ce cas, il a dit qu'on plonge les regards où donc? Dans la loi parfaite. Donc, c'est quoi donc la loi parfaite? Alors, souvenez-vous de ceci. Dieu a construit des murs dans la Bible et derrière ces murs, il a planter des trésors. Ces trésors dont là sont entourés et emballés par les promesses. Derrière les murs placés dans la Bible se trouvent des trésors. Derrière les murs placés dans la Bible, des rochers, il y a des rochers, des embûches partout. Placés dans la Bible se trouvent des trésors qui y sont plantés. Ces trésors-là sont facilement détectables, mais difficilement prenables. Parce que ce sont des murs qu'il faut briser par une façon de gouverner, par une façon de faire. Lorsque cette façon de faire-là est arrêtée, le mur devient ouvert, les promesses sont accessibles. On obtient donc le trésor promis dans cette parole. Mais celui qui aura plongé le regard dans la loi parfaite, la loi de la liberté. Puis dit, n'étant pas un auditeur oublieux. Mais c'est mettant il dit celui-là sera parfait dans toute son entreprise. Celui-là sera heureux dans tout son il sera heureux dans tout son entreprise. Les gens donnent des réseaux, marketing de réseaux disent non, tu veux être heureux. On te sort d'abord de citation que le matin la vie appartient à ceux qui se lèvent tôt, que tel qui fait son lit elle va se coucher. Si tu veux tu dors là-bas paresseux, même la Bible que vous lisez dit que paresseux lève-toi, tu restes comme ça et la pauvreté va se surprendre. Tu dis que mais la Bible dit clair ici que la voie parfaite pour le faire c'est plonger les regards en n'étant pas un objet oublié, mais c'est mettant à l'œuvre. C'est mettant à l'œuvre. Qu'est-ce qu'il a dit par ça? C'est mettant en l'œuvre, n'étant pas un auditeur oublié. Donc soit prompt à obéir. La personne qui est gouvernée par la parole sera simplement emportée sur les ailes du vent en se laissant obéissant dans la voie. C'est simple comme ça. Tu peux avancer, frère? Gardez bien la portion de ces Jacques-ci dans votre esprit. Celui qui aura plongé le regard. Celui qui aura plongé le regard. Deux types de personnes qui lisent la Bible. L'un, il va pour lire les versets bibliques. Ne vous bornez pas à l'écouter seulement en vous trompant vous-même par de faux raisonnements. Donc nos pensées avec la gouvernance de la parole sont incompatibles. Elles doivent gouverner sur nous. Les choix de la parole sont les meilleurs et nous n'avons rien à réajuster. Comme elle dit, nous devons obéir. Enfin, nous devons nous laisser soumettre. Mais celui qui aura plongé les regards, deux styles de regards. L'autre regard, Dieu a tant aimé le monde qui a donné son fils unique afin que quiconque croit ait la vie éternelle. Dieu a tant aimé le monde. Romains 5. Quand nous étions encore des pécheurs, Dieu autant marqué avoir son fils. Ne nous donnera-t-il pas toutes choses avec lui? S'il a déjà donné son fils lui-même, s'il va donner toutes choses. Toutes choses. Tout? Oui. Quelle est la condition? Chapitre 14, donc, verset 13. Laissons-nous gouverner par la parole. Ceci. C'est que j'en ai dit là où, quand il veut prêcher d'autres messages, il veut y revenir en filigrane, en disant, c'est pour ça que dans tel verset, on disait ceci. D'accord? Ça veut dire qu'en clair, une vie spirituelle avec le Seigneur n'a pas de raccourci. L'école doit être prise et assistée par tout le monde. Sinon, vous allez dire, vous allez concevoir de la même façon comme dans le marketing. Vous avez, il y a les gens qui ont, oh mon Dieu, vous voyez ces choses-ci. Les gens fabriquent des produits bio, vous appelez des produits toxiques, ils vous donnent, vous mangez dans le corps, vous mettez dans le corps. Son petit frère crée les machines pour pouvoir enlever ça dans votre corps. C'est-à-dire, je ne comprends pas quelle génération nous avons. C'est-à-dire, quelqu'un a cinq frères à la maison. Le premier travail, il ouvre son hôpital, en clinique. Deuxième ouvre plutôt la pharmacie. Troisième ouvre plutôt les pompes funèbres. L'autre vend les produits sucrés, bien sucrés. L'autre vend le vibromasseur. Tu vas au marché, tu achètes des produits sucrés. Vous, ça te tue appétit. Quand ça te dépasse, tu deviens gros. Le frère de l'autre te dit maintenant qu'il faut acheter le vibromasseur. Ça te dépasse, tu pars à l'hôpital. Tu pars à la clinique de son grand frère. Quand son grand frère finit, parce que le mec l'envoie ça dans l'hôpital, quand ça dépasse les trois là, t'as pas fini. Le voisin dit qu'il y a le cercueil ici. Donc, en fait, les gens qui vendent ces produits, ce sont ceux qui nous tuent en toile de fond. N'est-ce pas, frère? N'est-ce pas, frère? Amen. Alors, les gens qui vendent l'onction, en disant qu'acheter telle chose, ce sont ceux qui plantent les mauvaises paroles qui nous constituent comme ça. Parce que la parole veut que nous retournions devant le trône des grâces. Quand Dieu a dit que la parole doit nous gouverner, que mais celui qui aura plongé les regards, il n'a pas dit ça au pasteur, mais celui qui aura plongé les regards dans la loi parfaite, la loi de la liberté, n'étant point un auditeur oublié, mais se mettant à l'œuvre, celui-là sera heureux dans ses entreprises. Il a dit ça pour qui, frère? Il a dit ça pour qui? Les autres disent donc, comme nous sommes proches de Dieu, vous avez des problèmes, venez, on ne vient pas chez le serviteur de Dieu, le maire, vive. Si vous mettez votre dîme ici, vous mettez vos offrandes ici, nous allons prier par cette tarte prophétique. Écrivez tous vos problèmes ici chez les récords, vous ne voulez pas que ça sache. Écrivez tout cela, nous allons brûler ça dans le feu. C'est pas comme ça, ça finit. Ça ne finit pas comme ça. Parce que si David disait que Amalek, le fils de la tante de Kedar, le pharaon philistin, les Madianites, et ceci, il met que je vous brûle, il brûle le feu. Quand il va brûler le papier, ce papier que lui-même il a écrit là-bas, quand il va se tourner à gauche, à l'ouest, là-bas, les Philistins seront là. D'accord, frère? Donc, ce sont ceux-là donc, qui font ces enveloppes-là, qui font ça, qui font quelque chose grandir en toi et en nous, en pensant que Dieu est quelque part. Il faut qu'il fasse seulement un geste comme ça. Il agit en ma faveur. Mais Dieu a eu à faire ces choses-là à un moment donné. Nous sommes au moment de son tabernacle dans notre vie, dans notre cœur, où il veut faire le travail plutôt à l'intérieur, pour que ça porte des fruits à l'extérieur, afin que les dominations dans l'Église se reconnaissent au travers de l'Église. N'est-ce pas? Au travers des sagesses infiniment variées de Dieu, c'est-à-dire qu'à l'intérieur de nous. Enfin, lisons cela, ça se trouve ici comme promesse encore. Souvenez-vous, Dieu a lui-même placé des embûches, construit des murs et placé dans les Écritures. Et derrière ces murs, s'y passent, se cachent des trésors. Des trésors. Ces trésors sont entourés, emballés et écrits au-dessus les promesses. Les promesses de Dieu, c'est l'emballage des trésors. Et là, maintenant, ces choses sont cachées derrière les murs construits ici. Ces murs dont là, la seule façon pour pouvoir bousculer ces murs, c'est d'être gouverné par la parole. En fait, ce que je vous dis, quand vous allez lire le psaume 119, comment le jeune homme rendra-t-il pur son sentier en se dirigeant d'après ta parole. Maintenant, ici, ça c'est au verset quoi? Verset 9. Prenez-moi le verset 10 et verset 11. Voilà, les gens qui écrivent dans ce psaume 119, pourquoi on y va? Oh. Psaume 119, verset 10 et 11. Il faut qu'on se laisse gouverner par la parole. Psaume 119 encore. J'ai cité le verset 9. Il dit, comment le jeune homme rendra-t-il plus son sentier? Et puis il répond par? En se dirigeant d'après ta parole. C'est dirigeant d'après sa parole. Dans le verset 115, il dit que ta parole est une lampe à mes pieds. Maintenant, comment tu vas te laisser diriger par la parole si tu n'y plonges pas les regards? Prêter attention, méditer, faire repasser la parole sur le cœur. Ce que tu as lu, tu y remets, tu y médites, tu y penses. Qu'est-ce que Dieu veut me dire ici? Qu'est-ce qu'il veut me dire ici? Vous avez moi? Verset 10 dit quoi? Pourquoi? Je te cherche de tout mon cœur. Oui. Ne me laisse pas égarer loin de tes commandements. Vous avez entendu l'homme selon son cœur? J'ai dit, lisez seulement le psaume 119, vous allez voir de quoi il est question. Il dit que je te cherche de tout mon cœur. Ne me laisse pas égarer loin de tes commandements. Ça veut dire qu'il ne faut pas que la parole soit là-bas. Il soit en train de faire autre chose que la parole n'a pas dite. Ça, c'est David. Qui, sur le plan, sur le rapport des richesses, il n'a rien à demander sur la terre. Donc, il est à l'abri du besoin. Mais regardez regarde, il ne dit pas qu'on manque moi encore pour que les Amalécites ne me dépassent pas en richesse. Il n'est pas en comparaison par rapport aux richesses sur la terre. Mais malgré qu'il y ait la richesse là-bas, la richesse ne l'a point détourné de Dieu. Ça n'a jamais un sujet pour lui de sarcasme par rapport à ceux qui n'en ont pas. Mais il passait le temps dans la méditation. Vous voyez? Verset 11. Je sais ta parole dans mon cœur afin de ne pas pécher contre toi. Vous avez entendu ce qu'il en est, n'est-ce pas? Vous avez entendu? Amen. On va entendre dans Jean chapitre 14. On va y revenir. Je crois qu'on aura une deuxième partie de cet enseignement. Donc dans la deuxième partie, on va voir ce qu'il en est. On va voir qu'à la place des compléments alimentaires. Je crois qu'il faut qu'on voit cet épisode là avant d'avancer. Jean chapitre 14. Frères et sœurs, je vous aime. Amen. Donc, chaque fois que vous avez la parole devant vous, chaque fois que vous écoutez n'importe quoi, vous avez deux questions à poser. Est-ce que ce que je suis en train d'écouter, ça vient de Dieu? Ça, c'est un. Chaque fois que vous écoutez quelque chose, vous avez deux questions à vous poser. Est-ce que ce que j'écoute là vient de Dieu? Si la réponse est oui, vous n'avez pas de choix que d'obéir si vous voulez marcher avec lui. Nous sommes d'accord? Parce que si c'est la parole de Dieu, il dit celui qui vous écoute, mais m'écoute. Celui qui vous rejette, me rejette. C'est aussi simple. Ok, maintenant, la deuxième question n'est pas le contraire de cela. La deuxième question, c'est l'application que j'en fais Est-ce mon raisonnement? Si la réponse est oui, la Bible dit je me trompe moi-même. Vous êtes avec moi, frère? Je ne sais pas si vous comprenez ce que je viens de dire. Je dis ceci. La parole est prêchée. Quand la parole est prêchée, il ne faut pas chercher ceux qui sont d'accord. Ne faites jamais cela. Tu es d'accord avec ce que le frère l'a dit? Non, ce n'est pas l'attitude. Il a dit prenez garde à ce que vous écoutez. Tu as les oreilles de tout le monde? Non. Comme tu n'as pas les oreilles de tout le monde, il a dit que c'est lui qui a des oreilles pour entendre, entendre. C'est tes oreilles à toi qui dois prendre garde. Ce n'est pas l'oreille de tout le monde. Donc, comment ça va prendre le garde? Tu n'es pas le garde du corps des oreilles des autres. Tu es le garde du corps de tes propres oreilles. Parce qu'on a dit de façon individuelle. Donc, quand une parole est prêchée, n'importe où que vous écoutez, vous devez vous poser la question. Est-ce que ceci est en conformité avec les saintes écritures? Si c'est en conformité avec les saintes écritures, que ça vous choque ou n'importe quoi, à cet instant-là, le ciel attend votre réaction. Vous avez moi, n'est-ce pas? Et donc, maintenant, votre réaction, maintenant, ce sera si... Je dois me laisser briser par la parole et suivre et avancer. Vous levez cela la main, comme on dit en anglais, I surrender. Vous levez la main que Dieu vous aide. D'accord? Amen. Maintenant, la deuxième question, il y a ces deux questions. Chaque fois, chaque fois, n'oubliez jamais cela. Parce que l'autre, le contraire de cela est évident. Si ce n'est pas la parole de Dieu, vous savez ce qu'il faut faire. Donc, je ne pose pas la question là. Parce que si j'ai la parole de Dieu devant moi, il faut que je fasse attention donc maintenant. Parce que la Bible déclare que je peux me tromper moi-même en mer. En me trompant par de quoi? Faux raisonnement. Donc, c'est vrai, on dit, ok. Jugez-en vous-même. Est-il convenable pour une femme de prier Dieu sans être voilée? La nature elle-même, il y a les enseignements dans la nature qui vous disent que la femme doit prier Dieu sans être voilée, mon frère. Que ce pas, l'homme ne doit pas avoir de longs cheveux. On parlait ça à qui? C'était aux Corinthiens. Si c'est pourquoi on parlait comme ça, c'est qu'à l'église Corinthe, il y avait les femmes qui bavardaient trop et dérangeaient. Bon, c'est les femmes corinthiennes seulement qui prient Dieu? C'est les femmes corinthiennes seulement qui prient Dieu? Non. Est-ce qu'il a dit, jugez-en vous-même, est-il convenable que les femmes corinthiennes prient Dieu sans être voilées? On a dit qu'une femme, non. Après, il dit, toute femme qui prie ou qui prophétise. Il a dit, toutes les femmes corinthiennes. Bon, il y a des femmes aujourd'hui. Donc, quand tu lis sa femme, on parle de qui? Donc, vous voyez que quand quelqu'un commence à qui qu'on parlait, le contexte socio-culturel qui est derrière, qu'est-ce qu'il a de faire? Il a de raisonner. Donc, il a de chercher les échappatoires pour que ça ne se plique pas sur lui. Il a de chercher les échappatoires. Donc, les raisonnements sont des échappatoires pour ne pas obéir à la parole de Dieu. C'est ça ce que la Bible appelle. Et la Bible appelle ça les faux raisonnements. Et quand tu fais ça, tu te trompes toi-même. Alors maintenant, quand quelqu'un dit donc ça, l'autre dit que, pasteur, s'il y a vraiment raison, il faut comprendre le contexte des Écritures. Il faut vraiment comprendre le contexte. Si tu te demandes là où on a accueilli les épines, on a mis sur la tête de Jésus, tu vois, tu peux me dire, si on vous demande le contexte, là où on a pris les épines pour tresser, vous mettre sur la tête, vous pouvez dire. Permet pas à la femme d'enseigner. Femme ici veut dire celle qui n'est pas mariée. Non, c'est parce qu'elle posait trop de questions. Il a dit que vous posez trop de questions. Il est malséant pour une femme de Paris en assemblée. C'est pas ce qu'il écrit. Puis il dit comme dans votre église seulement que la femme se taise, c'est ça? Il a dit comme dans toutes les églises. Là, c'est qu'elle raisonnait, aurait souhaité que le verset ne suffise pas là, mais c'est quand même là. Bien debout. Vous avez cela? C'est si donc, c'est ce que j'appelle donc les piliers, les murs. Donc les pieds d'achoppement. Je connais une femme là-bas qui prie sans se voiler. Dieu l'exauce. Okay. Prie aussi ta part. Mais quand tu te vois même, il y a d'abord l'exaucement. Sois têtu comme elle. Et tu verras des faux raisonnements. En vous trompant vous-même. L'exaucement à la prière, ou bien prier qui est résultat, a deux possibilités. Deux possibilités. Soit c'est le diable qui te répond, soit Dieu qui te donne pour avoir pitié de toi. Parce qu'il fait pleuvoir sur les justes et les injustes. Il fait lever son soleil sur les bons et sur les méchants. Ce n'est pas de ça dont c'est les questions. Il est question de la communion avec le Père. Il est question de cela. Il est question de vivre en intimité avec le Père. Dans cette chose de la gouvernance de la parole. C'est seuls les fils qui peuvent se laisser gouverner par la parole. Seuls. C'est seuls les fils qui peuvent se laisser gouverner par la parole. Parce qu'en la parole se trouve la correction. Comme ce proverbe chapitre 3 le dit, que qu'on ne prend pas la correction de Dieu comme étant un supplice quand il nous châtie. Et quand Hébreux chapitre 12 le dit, que c'est comme des fils qui nous châtient afin que nous participions à sa sainteté. Je vais bientôt finir, je vais. Tout à l'heure, il y a beaucoup d'écritures là qu'on pouvait vraiment balayer. Dès qu'il va lire le chapitre 14 de Jean, on va aller dans deux ou trois passages. Je vais déposer la Bible. Je vais continuer à parler un moment donné pour donner ce principe-ci. Il faut que ce soit bien creusé. Verset 13, le chapitre 14 de Jean. Et tout ce que vous demanderez en mon nom, je le ferai afin que le Père soit glorifié dans le Fils. On va y revenir. Si vous demandez quelque chose en mon nom, je le ferai. Regardez ce qui est ici. Ça, c'est l'emballage. Ça, c'est l'emballage. Se trouve à l'intérieur des trésors. Je ne sais pas vous essayez de m'écouter. Ici, c'est l'emballage. Où il s'est estampillé bonbon sifflé. Bonbon sifflé. Bonbon au lait. Gratin suif, ratatouille au gingembre, gingembre au ratatouille. C'est là-dedans emballé. Là, on appelle donc ça la promesse. C'est contenu à l'intérieur donc des trésors. Tout ce que vous demanderez, je le ferai. Bon, maintenant, nous, on demande, il ne le fait pas. Traversons rapidement. On va y revenir dans la lecture. Je vous avais demandé de lire, de noter Jean chapitre 14, chapitre 15 totalement, n'est-ce pas? Maintenant, allons dans Jean chapitre 15. Lisons un seul verset, puis revenons ici. Frère, lis-nous le verset 7, frère Donatien. Verset 7 dit quoi? Si vous demeurez en moi et que mes paroles demeurent en vous, demandez ce que vous voudrez et cela vous sera accordé. Donc, ça veut dire que ce qu'on venait de lire dans Jean chapitre 14, ce n'était pas encore terminé. Voilà, n'est-ce pas? Derrière cette promesse se trouve donc la nécessité d'être gouverné par la parole. Parce que si tu arrêtes dans Jean chapitre 14 seulement, tu lis là, tout ce que vous demanderez, tu demandes. Ah Seigneur, je demande. Même tout qu'il dit là a encore des murets dedans. Le tout là, que le Seigneur a dit ici. Je continue, demeure encore quelques minutes, je parle encore, d'accord? Regardez. Même le tout que le Seigneur a dit ici a des problèmes dans l'intérieur du tout. Votre tout T-O-U-T ici a des problèmes, ce qu'il dit là. Parce qu'il ne donnera jamais tout. Il arrive là maintenant. Si vous lisez votre livre dans le livre de Matthieu chapitre 20, vous avez moi? Hein? Dans Matthieu chapitre 20, il va expliquer certaines choses là-bas par rapport, c'est la parabole, ça commence par la parabole des ouvriers des lieux à des heures différentes. Quand il va finir de leur expliquer cela, la deuxième phase, ça sera au niveau d'aller annoncer sa mort. Il va annoncer sa mort. Comment il va à Jérusalem, ce qui va lui arriver, il sera livré par le principal sacrificateur, il va être pris, se moquer de lui, donner aux païens, on va se moquer de lui, on va le frapper de verge, le livrer, le crucifier. Puis il promet que le troisième jour il ressuscitera. Vous avez vu ce qu'il dit? Vous avez vu là où j'ai lu ce qu'il vient de citer? Vous avez vu jusqu'au niveau où j'ai cité, n'est-ce pas? Lis le verset suivant, mon cher. Déjà. Vous avez vu, non? Bon, pourtant, je viens de dire, vous avez lu exactement là où j'ai vu. Tout le monde a dit, il dit, ok, lis le verset suivant. Il dit, déjà. Donc, depuis que je suis raconté mon histoire, dans le livre de Matthieu, en dehors, Matthieu chapitre 20, lui se trouve où? Dans le livre des gens. Allons-y, le verset suivant dit quoi? Alors, la mère des Zébédée. Stop. La mère des fils. C'est bon, c'est là que je voulais dire avant. Donc, il donne sa parabole. Les ouvriers loués à des heures différentes. Il finit. Il annonce qu'il est en train de monter à Jérusalem maintenant. Il sera livré entre mes esprits pour sacrificateur. Il va se moquer de lui. On va faire ceci. On va faire l'autre. On va taper des verges. On va cracher sur lui. Après, on va le crucifier. Puis, il donne la promesse que 3 jours après, il ressuscitera. Et une femme a eu sa part de révélation là-bas. Elle a dit, j'arrache ma part. Ce qu'elle a arraché, c'est que elle ne demande pas quelque chose pour elle. On dit, alors la mère des fils de Zébédée, dont Jean et Jacques, a dit, permets, s'il te plaît. Quand tu veux, donc, ça dit que, elle ne dit pas que Seigneur pitié parce que tu as souffert à Jérusalem, parce qu'il vient de raconter l'histoire. Elle entre directement en voulant saisir la promesse, en voulant attraper la bénédiction, en voulant avoir la bénédiction sans passer par l'étape que Jésus a dit d'en haut. Il dit, Seigneur, permets, lorsque tu vas venir dans ton règne, quand tu vas asseoir sur ton trône, permets que mes deux fils qui sont parmi tes disciples, que l'un soit à ta gauche et l'autre à ta droite. Jésus a Wanda Simon sur la maman là. Vous avez vu la demande qu'il a faite? Souvenez-vous, Jésus connaissait la question qu'elle devait poser. Si vous remarquez très attentivement là-bas, cette femme-là a fait une demande à Jésus. Jésus lui a posé la question, qu'est-ce que tu demandes? Jésus n'a pas dit, qu'est-ce que tu demandes? Même si c'est la moitié de mon royaume, je vais te donner. Il ne fait pas, faire cette erreur-là. Parce que si tu demandes, enfin, nous tous sommes intelligents ici. Que le Saint-Esprit t'en ait demandé, qu'est-ce que tu veux? Tu dis, hein? Que le Saint, enfin, il ne peut même pas faire l'erreur de vous demander, parce que nous sommes très sages. Nous sommes très sages. Si tu demandes que tu veux quoi, vous savez, je vais raconter l'histoire d'un homme ici qui haïssait seulement ton voisin. Il priait chaque fois. Il haïssait seulement tellement son voisin au point où il prie Dieu chaque fois. Il prie, il dit, oh Seigneur, oh, Dieu dit, ok, Dieu se présente. Il dit que je vais te donner quelque chose. Qu'est-ce que tu veux? Demande-moi n'importe quoi. N'importe quoi, il te donnerait. Mais Dieu lui dit, la condition, c'est que tout ce que tu vas demander, si tu demandes n'importe quoi, il donne le double à ton voisin. Il a le double à mon voisin que j'aime là, que je n'aime pas là, que je n'aime pas. Le gars, il regarde son doigt, il dit, si il dit 1 milliard, le gars là 2 milliards, qu'il a travaillé quoi? Père, mère, si il demande 2 enfants, ça ne peut pas nous laisser. Dieu va lui donner 4 enfants. Ça ne donne pas. Il demande une voiture, il a 2. Il dit, non, il ne veut pas. Il dit, Seigneur, crève-moi un œil. Que Dieu le crève un œil, comme ça va faire quoi de l'autre côté. Parce qu'au moins lui va rester avec un pauvre comme ça là. Donc il a essayé de montrer ton voisin au point où regardez ce qu'il a demandé à Dieu. Vous en direz, ça se trouve dans la Bible aussi. Ça se trouve dans la Bible. Connaissez cet épisode qui a fait qu'il y a dit Tigedigrande, Tim. Tigedigrande. Elle m'a troublé. Vous parlez de l'esprit de Jézabel. Elle a troublé toute la salle comme ça. Elle a envoûté. Un roi vient et dit, demande tout ce que tu voudras, même si la moitié, regardez les phrases qui sortent de ta bouche, même si c'est la moitié de mon royaume, je te donne. Pas dire à maman, le roi dit que même si c'est la moitié du royaume, tu me donnes. Il laisse le royaume là, je veux la tête de Jean-Baptiste. Vous voyez ce qu'il en est? Qui veut, elle veut quoi? Bon, on lui donne la tête, elle mange ça, frère. Qu'est-ce qui se trouve dans cette femme-ci pour qu'un roi donne une promesse que demande ce que tu veux, fût-il la moitié de mon royaume? Le pouvoir des femmes, hein, il arrive avec un autre enseignement, le pouvoir des femmes. Quand il y a comme ça, là, bon, ne parlons pas, ce n'est pas de l'estomac, pas ce soir. Il dit, fût-il la moitié de mon royaume? Elle n'a pas demandé quoi? La tête d'un prophète. La tête d'un prophète. Un dessin, rappelez-moi, je vais vous parler de la tête de Jean-Baptiste. La tête de Jean-Baptiste. C'est que cela a. Souvenez-vous, on l'a enterré sans son corps, sans sa tête. C'est-à-dire qu'ils sont venus prendre son corps pour aller enterrer. Pas vrai? Ils ont tué Jean-Baptiste, ils n'ont pas tué le prophète. Parce que le prophète, lui, il avait quitté la scène. Vous vous souvenez de ça, n'est-ce pas? Le prophète avait déjà quitté la scène. Mais Jean-Baptiste était là. Alors, cette femme-là a demandé à Jésus, permets, enfin, j'étais en train de dire quelque chose, que remarquez dans cette phrase-là, Jésus fait une demande, Jésus dit, que demandes-tu? Jésus ne donne pas une promesse que je vais te répondre. Regardez bien encore la phrase, allons-y, lisons. Alors, la mère des fils de Zébédée s'approcha de Jésus avec ses fils et se prosternant pour lui faire une demande. Écoutez, écoutez ce qu'on dit de Jésus. Il lui dit. Il lui dit, que veux-tu? Stop. Vous avez vu? Il a arrêté la demande là. Vous allez lire dans le verset, dans le chapitre 19 précédemment. Il va aller quelque part, c'est les paralytiques, enfin c'est les deux vers la fin, là vous allez voir, ce sont deux aveugles qui vont venir au devant. Oh, fils de David, Seigneur, aie pitié de nous. La foule va les empêcher pour les faire taire. Il crie encore plus fort. Jésus s'est arrêté, il dit, que voulez-vous qu'il fasse pour vous? Et Seigneur, permets-nous qu'on voyons. C'est eux qui ont limité la manifestation de Dieu dans leur vie. Parce que Jésus leur a posé la question, que voudrez-vous qu'il fasse pour vous? Ils ont demandé, permets-nous seulement de voir. Il a fait ce qu'ils ont demandé, ce qu'il a demandé que vous faites. Faites attention avec ces choses qui sont écrites. Donc, c'est eux qui ont limité la chose. Je vais revenir, on va y revenir encore dans notre enseignement. Jésus lui demande, juste arrêtez. Vous criez, oui, que Jésus, fils de David, Seigneur, aie pitié de nous. J'ai pitié, me voici. Tu veux donc quoi? Il dit que permets-nous de voir. Jésus lui a donné. La question est ouverte. Demande, tu veux quoi? Il dit, je veux voir, ok. Voir. Il a vu. Il a eu ce qu'il voulait demander. Mais dans Saint Jean chapitre 13, 14, nous avons lu, il dit que tout ce que vous demanderez en mon nom, je le ferai. Les paralytiques demandent. Ils ont. Les aveugles demandent. Ils ont. Les femmes, oh Seigneur, pitié. Même celles qui n'avaient pas part à la grâce par rapport à la manifestation d'Israël, a insisté jusqu'à ce qu'il a dit que même les enfants, les chiens mangent, les miens qui tombent de la table des enfants. D'accord? Elle a eu. Mais cette maman aussi se prosterne. Il dit, qu'est-ce que tu demandes? Aucune promesse dans sa question. Maintenant, lisons ce que la femme dit. Permet. Ordonne. Ordonne. Ordonne, lui dit-elle, que mes deux fils que voici soient assis dans ton royaume, l'un à ta droite et l'autre à ta gauche. C'est terrible. Vous avez entendu cela? Voilà une demande qu'on lui a faite. Cette demande-ci. Va-t-il agréer? La femme le dit, il dit ordonne, parce que quand tu dis ah, ça donne. Parce qu'il suffit que le Seigneur juste ordonne, et c'est là. Jésus a regardé la femme là comme ça, dit que yes, vous les femmes. Attends, je reviens avec les femmes encore. J'ai dit, attends, regardez la femme là. Donc pendant qu'il marche comme ça, les 12 marchent comme ça, les gars ont le calcul dans la tête. Que quand on va s'asseoir sur le trône, il sera à gauche, il sera à droite. C'est aux honneurs. Comme ça, si sa mère va dire que sache que si Jésus acceptait ici, la mère et fille de Dieu, il entre au quartier, il dit que toi, on se rencontre là-bas. C'est mes fils qui sont aux commandes là-bas. Ça va me sentir. Refusez mes choses sur la terre, vous allez me voir là-bas. Le jour-là, se tient là-bas, il dit que Zébédée, celle-ci, ne lui permet pas d'entrer. Au royaume-là, il n'y a pas de négociation. Il n'y a pas de négociation là-bas. J'ai dit, tout dont il est question de Jean chapitre 14, il y a un mur. Parce qu'une demande qui n'a pas été agréée. Parce que ce tout est enceinte des jumeaux. Un enfant, c'est selon sa volonté. Et l'autre enfant, c'est être gouverné par la parole. Quand tu es gouverné par la parole et que l'Esprit t'est fait demander selon sa volonté, tu possèdes la chose. Celle-ci n'est pas conduite par le Saint-Esprit. Vous savez, cette demande, ce n'est pas inspirée par le Saint-Esprit. La demande de cette femme, ce n'est pas inspirée par le Saint-Esprit. Non pas plus comme celle des gens de Luc chapitre 10, au verset 25, où le Seigneur est en train de prêcher, celle se lève là, elle lève la foule. Oh, heureux les mamelles qui t'ont arrêté. Oh, heureux les femmes qui t'ont vraiment porté. Elle a des glorifiés qui déjà. Vous avez vu ce que cette déclaration a fait jusqu'aujourd'hui? L'idolâtrie des mariés. Jésus a ramené ça rapidement. Heureux plutôt ceux qui. Et. Donc ceux qui sont gouvernés par la parole. Ceux qui sont gouvernés par la parole. Dans Apocalypse chapitre 1, le verset 3, le chapitre 22, verset 7 et le verset 10, la Bible nous dit toujours heureux ceux qui lisent et ceux qui gardent les paroles de prophétie de ce livre, c'est heureux. Il prend la plume, il dit, prends ta plume, ce que tu vois, écris-le. Quel est son but de pouvoir écrire? Il dit, moi, Jésus, j'ai envoyé mon ange pour vous attester ces choses dans les églises. Je suis le rejeton de David, l'étoile brillante du matin, le lion de la tribu de Judas. C'est écrit. Donc, dans Jean chapitre 14, nous avons lu au verset 13, il dit, tout ce que vous demanderez à mon Père, à mon nom, je le ferai. Ça, c'est une certitude qu'il a dit. Or, maintenant, lorsque nous progressons, on commence à voir qu'il y a des conditions. Ces conditions, donc, ce sont les murs. Donc. Ce sont ces murs dont je parle. Il a conçu ces murs-là. Verset 7, donc, de Jean chapitre 15, que nous avons lu, le verset 7 de Jean chapitre 15, que nous avons lu, dit que si vous demeurez en moi, et que mes paroles demeurent en vous, demandez ce que vous voulez. Vous savez pourquoi, frère? Parce que nous avons vu que lorsque nous regardons la parole, nous lisons la parole nous lit. Si la parole traverse au travers de nous, Dieu communique ses attributs et ses caractères en nous, nous ne demandons plus quelque chose, nous allons commencer à comprendre à l'intérieur que nous ne demandons plus quelque chose selon les convoitises de notre chair. En voyant la parole transformer notre cœur, transformer notre âme, on ne demande plus les choses selon les convoitises. Si la parole est extérieure à vous, vous allez prier par imitation, demander par imitation, faire des choses religieusement par imitation, parce que vous voyez faire. Ce n'est pas parce que c'est sous l'inspiration de la grâce. Or, Colossiens chapitre 3, verset 16, je crois que vous ferez d'arrêter là. Colossiens chapitre 3, verset 16, dit que la parole de Christ habite abondamment. Où ça, frère? Pardon? Ah, mon Dieu. Je recommence encore. Dans ce Colossiens chapitre 3, verset 16, la Bible déclare que la parole de Christ habite où? Comment? De quelle façon? Encore, de quelle façon? Abondamment. Comment ça commence? Comment ça va habiter abondamment? Que la parole habite abondamment. Abondamment en vous. On avance. Rentrons dans Jean chapitre 14. Un croyant qui est gouverné par la parole n'est pas assujetti aux craintes données par des circonstances et produites tout autour de nous. Un croyant qui est gouverné par la parole n'est pas habité par la peur et la timidité. Un croyant qui est gouverné par la parole lira Romains chapitre 8, le verset 28, du reste toute chose concourt au bien de ceux qui aiment Dieu. Verra les tribulations, les blocages, les persécutions comme des sujets pour glorifier Dieu par sa vie de foi. Parce que c'est la Bible déclare clairement dans ce livre d'Éphésiens chapitre 5 que c'est à votre égard la volonté de Dieu qu'on lui dise merci pour tout ce qui nous arrive. N'est-ce pas, frère? N'est-ce pas un commandement? Alors, si je dépose la Bible de côté, je ne lis pas. Il ne rencontre pas ce genre de passage qui dit il nous a fait grâce par rapport à Christ, non seulement de croire en lui, mais aussi de souffrir pour lui. C'est vrai dire que le caractère de souffrance de Christ ne transcende pas dans mon âme. Je ne connais pas, je ne suis pas en communion avec sa souffrance. Je ne sais pas ce que c'est que la souffrance. Parce que je n'ai pas pris garde à ce que j'entends. On m'a dit, si vous souffrez, c'est que c'est la pauvreté. C'est que c'est parce qu'on ne connaît pas qui vous êtes. Vous êtes les rois, les princes. Dis à ton voisin, je règne. Je dis, je règne. C'est pas comme ça. C'est le règne de Christ qui doit d'abord prendre l'envelopper notre vie. Christ doit régner en nous, effectivement. Christ doit régner en nous. Christ en vous. L'espérance de la gloire. Ceci implique automatiquement le Saint-Esprit. Automatiquement. C'est comme on le dit là maintenant. Quand ce souffle-là est là. Quand ce souffle-là est là. Les circonstances, qu'elles soient douloureuses, malheureuses, bonnes, ou des circonstances de réjouissance, ne fait pas bouger l'homme en qui la parole est comme gouverneur. Parce que cet homme-ci n'est plus ballotté à tout vent, mais conduit et gardé sous la garde de la parole. C'est pour ça que David pouvait craindre seulement sa parole. Seulement sa... Enfin, frère, prenez le temps dans le livre de Psaume 119. S'il y a quelque chose à retenir ce soir, retenez que se trouve en nous des caractères qui sont incompatibles à la volonté de Dieu. Gouverner et laisser gouverner la parole dans notre vie, en nous, amènera le caractère que Dieu veut en nous. Son caractère à lui. Supprimera les choses que la société a construites et fait construire en nous, que nous avons pris comme une partie de notre personnalité. Il y a des choses dans vos vies, des valeurs, des désirs, des envies, que vous pensez que vous avez ces envies, mais elles vous ont été suggérées et subtilement déposées en vous. Subtilement déposées en vous. Quand le Seigneur parlait dans ses marches chapitre 4 des soucis de ce siècle-ci, les soucis des richesses, la convoitise, comment les soucis du siècle viennent habiter en vous? Parce qu'on voit l'un réussir, on ne parvient pas à réussir de la même façon, pourtant on juge que potentiellement, intellectuellement, physiquement, diplomatiquement, pas diplomatique, le diplôme, en termes de diplôme, on est plus nanti et plus bien positionné que telle ou telle personne qui réussit. On souhaiterait être plus que lui, mais manifestement on n'en est pas. Qu'est-ce qu'on fait? Ça crée en nous des tensions à l'intérieur, au point où souvent on insulte Dieu. Vous n'avez pas besoin de dire à Dieu mouf. Quand ceci arrive, le premier insulte qui vient sur son trône, c'est pourquoi? Je ne complète pas la phrase. Le pourquoi l'insulte? Parce que les valeurs que la société a construites en toi, c'est que si tu as le diplôme, tu vas avoir le travail. Tu as le diplôme, tu n'as pas le hulot, travail. Et là, maintenant, tu te poses la question, pourquoi lui, il réussit et que toi, tu pries même Dieu, ça ne marche pas. T'as-t-il donné une promesse? C'est que quiconque a le diplôme travaillera? Non. Voilà. Donc, la société te l'a mise de façon subtile. Les standards de la société. Ces choses, donc, lorsque nous nous laissons gouverner par la parole et que la parole vient habiter en nous, ça déconstruit ces choses-ci. Ça déconstruit. Quand ça déconstruit, qu'est-ce que ça fait? Ça te désarme de toutes les potentialités et toutes les facultés humainement possibles pour que tu te reposes sur seul et seule la parole. Maintenant, le plus grave et le plus dangereux, c'est que dans cette école-ci, il n'y a pas de tricherie. Permettez-moi qu'il parle encore un instant. Saint Jean 14, on va finir par la lire aujourd'hui. Dans cette école, quand Dieu a mis la main sur vous, vous ne pouvez pas vous arracher de là. C'est pour ça que j'ai dit tout à l'heure là que ceci concerne les fils. Parce qu'il gouverne sur ses fils. Il a dit qu'il châtie ses fils pour que ses fils ne prennent pas part au jugement qu'il va châtier avec le monde. Donc il règle notre cas là. N'est-ce pas, frère? Amen. Maintenant, écoutez très attentivement. Dieu a donné les lois à Israël. Il a donné la Torah à Israël. Dans le livre de Deutéronome, chapitre 6, il a dit qu'il prenne garde d'obéir à cela tel qu'il les a donné sans rien ajouter, sans rien retrancher. Ça, c'est facile pour Israël. Vous savez ça, frère? Ça, c'est facile. C'est facile. Parce que si vous lisez votre livre dans le livre de Matthieu, chapitre 18 et 19, là, il y a un jeune homme riche qui était venu voir Jésus. Que faut-il faire? Il a cité le commandement, pas vrai? Il a cité le commandement. Jésus a dit, tu connais le commandement? Il a dit lequel? Quand il a cité, le garçon a dit, j'ai fait tout ça depuis ma jeunesse, pas vrai? Amen. Jésus l'a regardé, Jésus l'aimait, parce qu'effectivement, il l'avait fait. Donc, c'est possible, ils l'ont fait. Pas vrai, frère? Amen. Maintenant, il y a un problème. Dieu ne donnait pas le commandement pour qu'il obéisse. Depuis qu'il les a fait sortir de l'Égypte, parce que la mission qu'il a donnée à l'apôtre, au prophète, c'est que faire qu'il fasse trois jours de marche et qu'il quoi? L'adore. Je veux votre attestation. Et qu'il l'adore. Donc, ça veut dire que Dieu les faisait sortir pour qu'il l'adore. Ok. Le Seigneur vient, il dit que l'un vient ou l'est. Adoreront le Père. Amen. Et parce que Dieu est quoi? Eh bien, maintenant, le commandement, la loi de Dieu est spirituelle. Pas vrai? Amen. Le commandement de Dieu est spirituel. Maintenant, qu'est-ce que Dieu, comment faire pour amener les gens à quitter la dimension charnelle à la dimension spirituelle? Ça, c'était le but de Dieu dans le désert. Dans Deutéronome chapitre 8, Dieu donne cette révélation fracassante. Que je t'ai fait sortir du pays d'Égypte et je t'ai fait passer dans cet affreux désert où il y avait des scorpions avec des serpents brûlants. Pendant 40 ans, ton soulier ne s'est jamais usé. Tu as mangé la nourriture que n'a pas connue tes pères. Je t'ai fait, souvenez-vous ceci, écoutez très attentivement, je t'ai fait passer dans cet affreux désert afin que tu apprennes, que tu assimiles, que tu aies cet enseignement, que tu comprennes que l'homme ne vivra pas du pain seulement, mais de toute parole qui sort de la bouche, c'est-à-dire Dieu voulait gouverner sur eux par la parole. Maintenant, combien de temps a-t-il fait, a-t-il passé à Dieu? Ils ont passé dans la classe là combien de temps? Ils ont fait à la cile combien de temps? À la cile des dieux. Les Israélites ont fait combien de temps, frère? Pour comprendre une leçon. Une leçon. Dieu dans le désert ne les rappelait pas la loi. La loi, ça pouvait être obéissant parce qu'on dit, tu ne commettras point d'adultère. Il comprend ce que fait avec l'adultère. Le but de tout ce qu'il fait là, c'est pour les faire comprendre que si Dieu dit, c'est ça. Vous comprenez? Ça veut dire qu'en toi, de fond, se trouve que ce n'est pas vous qui devez penser, c'est moi qui devais penser de vous guider. L'homme ne vivra pas de pain seulement, mais de toute parole qui sort de la bouche de Dieu. Comment donc admettre que ce soit Dieu qui me dit que je mange, je dors, je mange. Que c'est quoi? L'homme est né libre. Qu'est-ce que se passe? On se soustrait de la gouvernance de Dieu. Il a pris 40 ans à mon père pour leur enseigner cela. Maintenant, la Bible révèle qu'ils ont échoué à cette école-là. Pas vrai, frère? Amen. Chacun a eu zéro. N'est-ce pas? N'est-ce pas, frère? Amen. Comme ils ont eu zéro, qu'est-ce qu'il a fait, frère? Bon. Maintenant, laissons-les tranquilles maintenant. Prenons dans le Romains chapitre 15 que je vous ai donné, verset 4, premier verset. On nous a dit que ces choses sont écrites et dans Jean chapitre 1, Corinthiens chapitre 10. On a dit, ces choses sont écrites pour nous servir d'exemple à nous qui sommes parmi les fils des siècles, n'est-ce pas? Maintenant, Dieu avait combien de paroles qu'il voulait leur faire enseigner? Il dit dans ce Deutéronome chapitre 8, quel est le thème de la leçon? L'homme ne vivra pas de pain, mais de toutes paroles qui sortent de la bouche. Il a pris le désert pour lui enseigner cela. Il a pris les mannes pour lui enseigner. Le soleil qui chauffait. Il a pris les serpents et les scorpions pour leur enseigner cela. Gardez ceci à l'esprit. Ça, ce sont les circonstances immédiates de notre entourage. Pas vrai? Le but pour lequel il fallait passer par là. Comment se fait-il qu'il les fait sortir? Il connaissait exactement là où il en était. Là où il partait avec eux. Il fait un détour par le désert. L'école dans l'apprentissage de la voix de Dieu. De la voix de Dieu. Les difficultés. Derrière les difficultés se cachent les enseignements. Moïse, pourquoi tu nous as fait sortir ici? On mangeait des concombres là-bas avec le ndolin. Au moins, même si on nous chicote le deuxième, on sait qu'après avoir chicoté, il va nous donner le ndolin. Il fallait nous laisser tranquillement là-bas. Ndolin, ndolin, ndolin. Concombre, concombre, poisson. Les crevettes de Nil. L'homme ne vivra pas de pain seulement, de toute parole qui sort de la bouche de Dieu. Maintenant, si c'est toute parole qui sort de la bouche de Dieu et que Dieu a utilisé 40 ans pour le faire assimiler cela, vous fréquentez dans l'école, vous appelez séculière. Un seul enfant, vous avez un enfant à la cible, il a au moins 30 livres au programme. Il porte vous appelez Katar, vous croyez que c'est un enfant commando. Il faut qu'il ait 30 chapitres de sciences naturelles. Papa t'a l'embrouille à son tour, l'embrouille à son tour. Un autre entre dit que le verbe passé composé a fait comme ça, il compose. Le gars ne comprend pas ce qu'on a fait composer. Quand il finit là-bas, l'autre vient bavarder, ça part en anglais. L'autre vient bavarder cet enfant-là. Ils font cela en 9 mois. Quand c'est fort, le parent vient donner l'argent, on arrondit les notes, il t'avance. Chez Dieu, tu dois passer par le désert. La gouvernance de la parole doit être effective en nous. Maintenant, regardez bien attentivement. Parmi les presque 2 millions qui sont sortis, il y avait 2 qui se laissaient gouverner par la parole. Quand Dieu a dit, C'est ça. Même si les circonstances semblent dire le contraire, c'est ce que Dieu a dit que nous en tenons pour parole. Et Dieu, quand il est venu, il a dit, voici les gens qui ne sont détournés ni à gauche, ni à droite. Ceux-là vont entrer. Vous voyez que les promesses sont pleines d'embûches. Et là, c'est tout des trésors. Mais la condition, c'est que la parole nous gouverne. D'accord? Amen. Donc, on ne peut pas prendre les raccourcis. Si vous avez pris le temps pour que la graisse puisse entrer, permettez qu'il y aura des difficultés. De la même façon que c'est entré avec des sucres. Quand c'est sucré, il faut que ça sorte de façon amère. Permettez que ça traite le corps pour que la graisse puisse sortir. Pas vrai? Amen. Donc, si on a des difficultés, permettez que Dieu travaille au travers des difficultés pour parler. Dans Saint Jean chapitre 1, là, verset 3 à 5, il dit que les épreuves, qu'on ne prenne pas les épreuves qu'il y a sur la terre comme un fournaise, que ça a un but particulier. C'est pour travailler la patience. Et que la patience ayant compris que c'est pour parfaire notre foi. Mais on souhaiterait qu'on mette un homme sur nous aux difficultés cessent, que j'ai trop souffert. Vous dites que vous avez trop souffert. Pensez aux juifs dans le désert. Ils ont fait combien d'années? Ça, c'est le premier coup. Premier leçon. Et le vrai problème, c'est que c'est longtemps que Dieu dit que voici la leçon qu'il voulait vous comprendre. Il ne donne pas la leçon le jour là. C'est longtemps après qu'il vient dire qu'il voudrait qu'il comprenne que l'homme ne vivra pas de pain seulement. S'il disait le désert, il dit, oh vous, je vous fais passer le désert, je vais vous entraîner pour que vous compreniez. Les gars, c'est là dit que, ok. Le gars dit comme tous les épreuves, ce sont les, tout ce qui arrive là, ce sont les épreuves. Je crois que c'est, ici, c'est tout le test. Dieu ne te donne pas de renseignements. Tu te trouves en train de composer. Tu te trouves en train de. Ma soeur, tu ne sais pas pourquoi ça se passe. Dis-lui que l'autre a fait 40 ans. Tu comprends pas, frère? Mm-hmm. Donc, si quelqu'un vient vous dire, mon frère, je souffre trop. Tu le regardes comme ça, tu dis que c'est combien d'années? S'il te dit, tu dis que tu as passé l'épreuve. Ou même tu as échoué. Qu'est-ce que Dieu veut que je comprenne? Dans Hébreux chapitre 13, si vous lisez les versets 5 et 6, la Bible déclare, ne vous livrez pas à l'amour de l'argent. Contentez-vous de ce que vous avez. Car Dieu lui-même a dit. Vous avez vu ce qui est écrit là, n'est-ce pas? Dieu lui-même a dit. C'est une promesse. Une promesse. Je ne te laisserai point, je ne t'abandonnerai point. Puis il dit, c'est donc avec assurance. Regardez bien le mot. Avec assurance, confiance. Confiance inébranlable, inépuisable. Que nous pouvons dire. Comme Dieu a dit, je peux dire. Comme il a dit, je peux dire. On ne peut pas dire ça, étant d'avoir une assurance totale, si vous n'avez pas, si vous n'avez pas là, ces choses-là, qui chacun en vous, qui habite en vous. Si la parole ne vous gouverne pas. C'est que quand les rois vont foncer sur vous, vous savez. Bonne soirée. Ça me dit, on va continuer. Sinon, je ne veux pas m'arrêter aujourd'hui. Que le Seigneur vous bénisse. Donc, il y a des gens ici que je vais voir. Vous allez contacter la Sœur Grâce pour venir au moment opportun, au moment disponible. Que Dieu te bénisse. Dieu te bénisse. Donc, toi, oui. Ça va? Toi, lève-toi, lève-toi. Ça va, mon cher? Et il vous faut le nettoyage. Il vous faut le nettoyage. Toi aussi. Là, il ferme là, non? Oui, dis-moi. Une fois, tu étais assis sur cette chaise-ci. C'est ici que tu étais assis. Oui, là où là? Oui, c'est là. Et monsieur Tenu, je t'ai dit quelque chose. Allons-y. Ça fait longtemps, ça. Tu te souviens de ce qu'il t'avait dit? Oui, pas bien. Qu'est-ce qu'il avait dit? Ce qui m'a posé la question, si j'ai bien suivi l'enseignement qui se passait là. Oui. Apparemment, il n'avait pas bien suivi l'enseignement qui suivait. Tu m'as toujours posé la même question. Oui. Jusque-là, je ne comprenais pas. Oui. C'est après, longtemps après, plusieurs mois après. Mm-hmm. Quand tu étais vers l'Allemagne, quand tu faisais le tour en Allemagne. Oui, faisais le tour. Donc tu dis qu'il faisait le tour. Ok. Ouais. Non, il faisait le tour, c'est bon. Accuse-moi toujours. Il faisait le tour. Vous entendez là-bas, hein? Oui, c'est là où je suis rentré sur l'enseignement. C'était l'enseignement sur l'esprit des forêts. Oui. Je suis parti, je suis. Ça concernait lorsqu'on fait le tour dans chez les marabouts. Oui. Tu as suivi, il est à l'intérieur, tu entends comment il te parlait encore. Tu as entendu comment il te posait qu'il soit à l'intérieur. Donc, apparemment, l'enseignement, ça vient. Je n'ai pas suivi à partir. Ok. Mais au début, tu disais, lorsque tous ceux qui sont passés par les marabouts ont besoin. De oui. Bien sûr, ça me concernait aussi. Mm-hmm. Je sais avec, en fait, lorsque tu me posais la question, mm-hmm. c'est un message que tu m'as parlé. C'est tout. En fait, j'ai compris que ça me concerne aussi. Mais qu'est-ce qu'il t'avait posé comme question ici? Je suis venu vers toi. Ça fait combien de mois? 6 mois. Voilà, assez ton frère. Donc, puisqu'on a dit que la même durée que tu as utilisée pour assimiler, il faut mon cause de ton mari. Donc, prends de moi pour pouvoir travailler. Donc, il croit qu'il y a des gens ici que j'ai dit, oui, celui-ci, ou le frère Arnaud. Oui, lui aussi. J'ai encore dit qui? Oui, toi aussi, frère. Je vous souhaite bon jeûne. Merci. Que le Seigneur vous fortifie. Amen. Que le Seigneur vous fortifie, d'accord? Prions. Prions. Parle au Seigneur comme tu pourras. Ouvrez votre bouche et parlez-lui. Vous savez ce que vous voulez, vous savez ce qu'il veut de vous. Vous avez écouté la parole ce soir. Qu'il vous bénisse. Tendre Père, nous sommes prosternés devant de toi. Merci pour ce que tu nous as dit dans cette première partie de cet enseignement. Merci Père de gloire pour la lumière que tu nous accordes sur notre cœur. Père de gloire, je prie pour ce peuple et pour tous ceux qui nous écoutent de part et d'autre, pour tous ceux qui étaient faibles et qui ne savaient pas de quoi il est question, Père, donne-leur d'être gouvernés par la parole. Je prie Dieu de gloire que tu manifestes ta puissance dans leur vie et dans la vie de tous ceux qui sont ici. Seigneur, renverse, ô Dieu de gloire, toutes les forteresses qui se trouvent sur les cœurs. Seigneur, il y a des forteresses, Père de gloire, de travail. La soif de l'argent, la nécessité de payer la maison. D'autres, c'est l'école. D'autres, c'est le mariage qui les crée problème. D'autres, Père de gloire, c'est les faussetés, les langues fausses. Je prie, Père, que tu les en délivres et que tu laisses la parole gouverner sur eux. Je prie que tu nous fais comprendre bien ces choses et que tu nous assimilions toutes ces choses-là. Dieu de gloire, je prie pour tous ceux que tu m'as donné ici et pour tout cela que tu m'as donné dans le monde. Je prie au Dieu de gloire que tu leur accordes la grâce de comprendre ces choses. Je prie au Dieu de gloire que tu touches au Dieu de gloire leur cœur avec ces paroles, que ça pénètre leur âme et leur vie. Je prie que tu gouvernes dans leur âme. Merci Père pour tout ce que tu fais pour nous. Seigneur, nous sommes venus au Dieu de gloire sous ta grâce et nous comptons sur toi pour le retour. Et je prie que tu protèges chacun d'eux. Tu veilles sur chaque personne ici. Au nom du Seigneur Jésus-Christ de Nazareth. Que toute la gloire te revienne. Toute la gloire te revienne. Tant de Père, nous sommes venus sous ta bannière, nous rentrons sous ta protection. Que ton nom se soit élevé. Que le Seigneur vous bénisse. Que le Seigneur vous bénisse. Peuple de Dieu, que le Seigneur vous bénisse. Veuillez vous lever.